Il s'agit du flow de cast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Mais doucement quand même. Ah là, c'est doucement. Bah parce que. Ah bah évidemment. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Un Floodcast un petit peu particulier puisque nous sommes que deux aujourd'hui. Mais je pense qu'ils avaient deviné. Ah ouais. On sentait la vibe. Je on pense. Sentait la vibe. En tout cas, c'est moi vrai. Je la sens, c'est terrible. Une terrible. Oh non, au contraire. Non, non, je plaisante. Comment ça va, Adrien? Comment s'est passée ta semaine? Parce que voilà, quand il y a des invités, on s'intéresse à eux. Là, j'ai envie de m'intéresser à toi. Donc, t'as fait quoi de ta semaine, Adrien Méniel? Bah, j'ai bossé. T'as fait que du boulot là? Que pas, du boulot? Pas que, mais j'avais pas fini ma phrase. Ah. non, j'ai bossé. J'ai travaillé, j'ai trimé. J'ai déversé du verbe, du complément, du nom commun. Quelques noms propres. J'ai bien fait de te laisser finir ta phrase pour que tu dises quelques synonymes du mot travail. je suis allé faire un karaoké pour. Pour la bonne auberge. Pour la bonne auberge. Et toi? Écoute, j'ai été à Disneyland ce mardi. Mais oui, c'est vrai, putain. Mais oui, quelle joie j'avais envie, mais évidemment. J'ai fait enfin ce truc de quand t'as un enfant, de faire la surprise, d'emmener à l'école. Et au dernier ça moment, y est, ah putain. Et au dernier moment, dire, et on va pas à l'école. Putain, mes parents, ils me l'ont fait ça. Mais oui. Non. Jamais, bien sûr. Tellement content de me laisser à l'école. Je vais pouvoir boire toute la journée. Non, mais j'aurais adoré. Non, bah écoute, c'était très bien. C'était très bien. Non, mais. T'as jamais eu des surprises comme ça? Ça peut être terrible. C'est ce que je rentre dans un chemin qui peut être catastrophique. Un jour, mon père s'est écroulé sur le lave-vaisselle. Une belle surprise. Non, mais c'est terrible parce que la surprise dont je me souviens, c'était que, en fait, quand on allait en vacances, du coup, chez les parents de mon père, ouais. On va dire une fois sur deux, on repartait avant, on repartait précipitamment parce que mon père s'était engueulé avec ses parents. Et du coup, on partait quoi. Ouais. Donc c'est genre, bah, vous faites vos valises, on se casse et tout. Donc toi, t'es en vacances, t'es enfant. Ouais. Pas de sentiment de sécurité dans mon enfance, ça n'existe pas. Ah bah non. Et donc, on part. Et donc, bah, t'es un peu triste parce que genre, t'es en vacances et donc t'es dans la bagnole. Mais donc, tu vois, c'est une surprise, mais en même temps, c'est un peu nul. Et c'est à dire que mon père avait un ami. Qui s'appelle, je pense qu'il est toujours vivant, qui s'appelle Raymond, okay. Et qui avait une maison en Camargue. Et il avait aussi notamment deux fils qui avaient plutôt l'âge de mon frère. Mais, oui, parce que ton frère est plus grand que toi. Il a 6 ans de plus. Ouais, voilà. Et à cet âge-là, ça a son importance, 6 ans d'écart. Moi, ouais. J'étais un enfant, lui, c'était un ado, quoi. Et en fait, j'adorais aller chez eux parce que. Déjà, genre, il y avait de la tech déjà. Ouais. Son fils Samuel, première personne, et même sans doute seule personne de ma vie qui avait un. C'était les. Ah putain, c'était pas les Laserdisc, je crois que c'était les CDI, je crois. Ok. Non, ou peut-être les Laserdisc, mais je me souviens qu'il avait des Laserdisc de. Non, attends, Laserdisc. Laserdisc, c'est les films. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les gros, les c'est gros vinyles, entre ça. Guillemets. Ouais, voilà. Laserdisc avec tous les clips de Goldman. Un autre, tous les clips de Dire Straits. Dont celui de Walk of Life, qui est genre un bêtisier du sport. Je sais pas si t'as déjà vu le clip de Walk of Life. Ah, il est top. Est-ce que tu le surnommais dans l'intimité le King, ce mec? Parce que moi, j'ai envie de l'appeler le King. Un peu, c'était un peu un King. il y avait un ordos, il y avait tout. Puis on s'amusait quand on était. Je vois un rôle donc, modèle à mes yeux. Ah, un peu. Et en gros, on était dans la voiture, sale ambiance. Et mon père, il dit, je pense que tu vois, il attendait d'avoir la confirmation quoi, de son pote. Ouais. Et il dit, allez, on va chez Raymond. Et du coup, moi, je me souviens, petit genre, ouah, trop bien, limite encore mieux. Ouais. C'était pas prévu, tu vois, qu'on aille chez eux. Et du coup, on y va. Donc, c'était ça la surprise. Mais c'était la surprise parce qu'il venait de gâcher les vacances, en gros. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est quand même des. C'est marrant, j'ai un souvenir un peu similaire sur quand j'étais gamin. Moi, ma mère, j'avais une souris blanche. Je l'ai déjà raconté, je crois, mais j'avais une souris blanche. Est-ce que. Ah oui, non, elle est blanche, pardon. Pourquoi? J'allais te demander si tu l'avais trempée dans l'huile et dans l'eau. Pour en faire un escargot tout chaud. Mais, oui, mais en fait, c'est. Non, ça, non, non. Non, en revanche, je l'ai mis dans mes cheveux et j'ai appris la cuisine comme ça. C'est comme ça que j'ai fait. Non, pendant 2 ans. Ça marche avec les souris. Aussi. Tous les rongeurs. Bah, quand j'étais petit, parce qu'un rat, c'est trop gros. Oui, bien tu sûr, commences oui. Avec une souris. Et donc, j'avais bouché la baignoire. Ah oui. Avec de la paille parce que je nettoyais sa cage. Le même soir, je crois que j'avais renversé du Tipex sur le parquet, donc j'avais gâché la vie de mes parents. Tu étais un enfant tout simplement. Non mais j'étais plus grand, j'étais ado, tu vois. Bon bref. Et ouais. Ma mère en pouvait plus et donc elle m'a foutu chez une copine à elle. Terrible cette histoire. C'est ça, mais ce qui est sublime, c'est que du coup j'étais chez un gars qui était pareil, qui avait peut-être 6 ans de plus que moi, mais qui était en gros il avait le fils, il avait mieux, c'était le fils des parents, enfin oui, le fils des potes de mes parents en gros, donc c'était pas cousin mais comme un peu pareil parce que tu le vois souvent, et lui pareil, c'était Monsieur Ordos, et genre il avait même internet, ce que j'avais pas chez moi. Tu t'es lébranlé. Bah, j'étais avec lui, donc non mais et c'est lui qui m'avait fait découvrir les Ciné Live aussi, les CD, les magazines de cinéma où il y avait les CD-ROM des bandes annonces, et donc on se faisait alors les jeunes vous vous rendez pas compte, mais nous on se faisait une heure de bandes annonces comme ça sur CD-ROM, et tu pouvais cliquer, tu sais, c'était un peu interactif, t'avais les affiches sur un... En fait, c'était un écran d'accueil et t'avais un faux cinéma avec les affiches. Et quand tu cliquais sur l'affiche, t'avais la filmographie des acteurs. Enfin, c'était le rêve. Non, je vous raconte une époque, on s'en mettait plein la gueule. Et donc, pareil, début horrible, je me souviens être en larmes et tout. Mais après, putain, pas mal, je suis chez Nico. Il s'appelait Nicolas. T'étais en larmes quand même. Ah ouais, c'était dur, ouais. Ouais, c'est dur. Parce que ta mère, elle te voit en larmes, elle se dit pas, bon, allez, j'arrête. Non, non, parce que, bon, après, c'était il y a longtemps, il y a prescription, mais j'ai fait un film qui parle un peu de la charge mentale des mamans parfois. Non, mais il y a un truc où elle avait la pression sur plein de trucs et elle était très en colère. Et moi, ce qui m'avait pleuré, c'est de la voir vraiment pas bien, tu vois. Elle était vraiment dans un truc de nervous breakdown, et c'était la goutte d'eau. Oui, mais c'était aussi, tu disais, oh mince, c'est, et c'est ma faute. Ah, oui, bien sûr, très clair. C'était pas de ta faute. C'est un tout, mais j'ai été la goutte d'eau. Deux gouttes d'eau, une du. Mais des fois je peux comprendre, un truc de typex, boucher la baignoire. Non, mais après, moi je. Oui, je tu vois, tu rentres de ta journée de travail, ton dur, fils a bouché la baignoire avec de la paille de souris. Non, mais c'est indéniable que c'est une erreur, mais bon, on fait tous des erreurs. C'est ça. Mais au final, voilà, effectivement, j'ai eu le web, et donc ça, c'était pas mal. Du coup, t'es resté 2 ans chez ce mec, du coup. Bah, jusqu'à la fac, en fait, et après, j'ai jamais revu ma mère. Hein, j'ai volé son ordi, puis. Ses identifiants. WorldNet, non, Club Internet, non, Club Internet, Alice peut-être, moi c'était déjà un peu Alice, hein. Alice, wouhou, nous, tan, style. Bah bien sûr. And I say, hey, oh. T'as Clara, ma meuf la dernière fois elle a écouté Shut Up and Let Me Go. Hey, tu te souviens les Ting-Tings, ouais. Putain, les Ting-Tings, pareil, ils ont disparu alors que j'adorais ce groupe. That's not my name. Mais t'adorais ce groupe? Ouais. Non, mais. Bon, tout ça pour te dire que j'étais à Disneyland avec ma fille et ma compagne, et on s'est régalé, et c'était quand même Blindax. Moi je pensais c'était jour de semaine, mars, je crois que c'est fini, ça n'existe plus, je crois Disney, que c'est pas Blindax en fait, il n'y a plus de période où il n'y a personne. Quand j'y suis allé avec mon frère et ses enfants, genre ma nièce elle avait cherché sur internet genre quelle est la meilleure période pour aller où il n'y a pas trop de monde et tout. Et c'était cool, mais il y avait quand même du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a toujours. C'est toujours blindé. Mais tu sais, je crois que ça marche bien, la franchise Disney, je crois. Ah ouais? Je crois que ça cartonne. Ça non, parce que moi, justement, c'était Marocco. Disneyland, Paris. Ah, je crois que c'était Disney, genre. L'Empire Disney. Et on a pu faire, parce que maintenant que j'ai une fille, on fait les trucs que tu fais plus, les rencontres personnages. Enfin, moi, j'ai jamais été très rencontre personnage. Je sais qu'il y a tout un. Catégorie de personnes qui adorent prendre des photos avec les persos, même à 20, 30, 40, 50 ans. Les Disney adultes, tu veux dire? Oui, ah, c'est un terme? Ouais. Ah, okay. Tu connais ça? Non, c'est vrai, c'est un vrai truc, les Disney adultes. Et donc, ça, par contre, c'est le truc le plus cool avec un enfant, c'est tu revois avec les yeux d'enfant des rencontres avec des personnages. Et là, moi, j'ai été témoin d'une rencontre entre ma fille et Spider-Man. Bah, j'ai vu la photo. Incroyable. Elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a déjà un truc de pas de question, elle lui a foncé dans les bras sans poser la moindre question. Et en gros, en plus, ce qui est cool avec Spider-Man, alors attention, s'il y a des enfants qui écoutent l'émission, on pourrait partir un petit peu du poste. Ouais. Bon, les mascottes parlent pas à Disney, pour une raison évidente. Mais Spider-Man, oui, il a le droit. Mais Spider-Man, il a le droit. Est-ce qu'il fait, de l'acting un peu? Mais il te demande ton prénom. Et il te de... Ah oui, il dit, Oncle Ben m'a donné une mission. Bon, c'est pas du tout ça, Spider-Man. Non, mais enfin, il le dit avec ce ton, mais il parle à ta fille. Quel est ton prénom? Il fait, c'est quoi ton prénom? Bah, Johan. Oh, salut Johan, t'es une super héroïne. Et tu sais, moi j'étais avec Iron Man. Et pas mal. C'est trop bien. Mais il y a un gars qui fait le buzz comme ça, un peu, je crois, sur TikTok. Le mec qui joue Gaston. Ah oui, bah ouais. Oui, c'est ça. Oui, il fait salut tout le monde. Il fait, vous êtes trop moche pour moi. Et oui, c'est ça. Et ouais. Moi j'aime bien. Enfin, bon métier. Et donc, bref, c'était trop bien. Mais par contre, il y a eu deux moments un peu marrants. Déjà, il y a eu un truc où il faisait des pauses. Alors, j'ai juste une question. Ouais. Là, Johan, à ce moment-là, elle est face à Spider-Man pour elle. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais c'est. Non, mais c'est ce qui se passe. Non, mais t'imagines ce qui se passe dans son cerveau, quoi. Jamais, plus jamais dans notre vie. Ouais. Peut-être si je rencontre Alain Chabat. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, moi, je suis mort à l'intérieur, donc c'est pas genre. Ouais, c'est juste un humain. Je l'adore, mais. Mais bon. Juste une personne. Mais en même temps, moi, je trouve du réconfort là-dedans. Mais après, oui. On pourra en reparler. Ah, mais c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est un truc de. malade. En plus, là, la rencontre, c'est... Alors, au début, ça m'a rendu foudrage parce que tu dois réserver en ligne, tu fais ce qu'ils appellent la queue virtuelle. Alors, qu'est-ce que la queue virtuelle ? Je l'ai fait pas mal une certaine fois. Oui, alors ce n'est pas celle qu'on connaît. Non, mais tu dois cliquer. Imagine tous les gens qui sont à Disney, sur l'appli Disney, pour choper des créneaux horaires pour rencontrer Spider-Man. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est pas juste que tu fais la queue, c'est que tu dois. Enfin, tu as un moment seul avec Spider-Man. Donc en gros, ouais. Et on te dit, reviens dans 45 minutes ou dans une heure ou dans une heure et demie, et t'as ton moment avec Spider-Man, tu montres un QR, enfin pas un QR code, mais on te demande un code. Un Disney code. Tu rends un Disney code, comme on dit, et tu rentres et machin. Et donc du coup, on a fait ça. On rentre, en plus c'est horrible parce que c'est arrivé pile pendant la pause déj, donc machin, bon bref, on court, on arrive. Donc Spider-Man avait faim. Spider-Man avait faim. Il a fait, bon allez là, c'est bon. Et on arrive, et en gros, c'est marrant, donc t'as quand même des gens un peu avant. Mais t'attends dans des espèces de sas, en gros. Et on entend la première famille devant nous, c'est des Anglais. Donc Spider-Man parle anglais. Donc déjà, ma fille m'a rien en disant, il parle anglais, Spider-Man ? Un peu énervé. Et là, tu lui dis, c'est quoi, à ton avis, comme langue Spider-Man, en fait ? C'est du français, tu crois ? On se casse. Donc tu sors des phrases croquantes en disant, mais non, Spider-Man est bilingue. Bah, bien sûr. Spider-Man parle toutes les langues. Parce que fait. Le multiverse. Parce que le multiverse. Il va dans tous les multiverses où il y a toutes les langues. Voilà. Et donc on y va. Elle le prend dans ses bras. Et donc en gros, le concept, c'est qu'il t'apprend à un enfant les poses de super-héros. C'est ça le truc un peu. Donc il fait une première pose. C'est la photo que je t'ai montrée. Donc ma fille refait la pose de la main par terre et l'autre main en l'air. Iconique accroupi, pour moi. Iconique. La légende. C'est culte. Et à un moment, il dit, et tu peux faire ça aussi. Et il fait le truc des spider web, le geste qui crache d'étoiles. Et là, ma fille prend peur et fonce parce qu'elle avait peur qu'il lui crache d'étoiles dans la gueule. Parce qu'elle connaît. Elle connaît le truc. Mais c'est ça. Et donc, elle était genre. Elle le disait pas devant parce lui. Parce qu'il l'a fait vers son visage. Oui, en fait, ils étaient vers sa face. Bah oui. Grave erreur de sa part. Donc, je me suis permis de lui dire. Je fais, bah oui, Spider-Man, elle avait peur que tu lui tires en pleine face. Et il dit, ah mais non, mais pas du tout. Et bon, voilà. Et après, il a dû sentir mal. Non, pas du tout. En plus, pas du tout. Et puis alors, en plus, si vous faites un autre film, parce que vous savez, je suis pas que Spider-Man. Je peux être d'autres trucs. Enfin, bon, je dis ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Vu qu'ils vont me virer, Disney, comme ça. À cause de ça. Ils nous espionnent avec des caméras. Donc voilà. Et mais donc gros big up à voilà parce que Spider-Man. Spider-Man déjà et les cast members, enfin je sais pas comment on appelle ça, les gens qui jouent en tout cas les personnages Disney qui en plus parce que lui il fait des saltos, c'est à dire qu'en fait à un moment ah oui non mais attends, c'est à dire que Spider-Man il fait 2-3 poses, il dit bon après il y a aussi cette pose que tu peux faire et là il m'a fait une espèce de salto avant, bonne vanne. Non mais en plus l'énergie qu'il faut, bon bref, et eux c'est pas la même chose, on a croisé Ant-Man aussi à un moment, bon je te dis ça. Il a dit, je peux devenir tout petit, vas-y, non pas vraiment, arrête. Tu veux faire la pose iconique d'Ant-Man, il y en a aucune, voilà je peux juste parler, c'est vraiment bon, tu veux voir la guêpe, non, bien sûr que non. Non mais du coup les mecs et les meufs qui jouent les super-héros et super-héroïnes, ils doivent vraiment se donner à fond quoi. C'est comme les princesses, t'es pas derrière la mascotte quoi. Donc c'est vraiment tu dois voilà. Oui parce que mascotte c'est non-verbal, il y a un côté tu peux être mort à l'intérieur et exactement. Faire tes gestes et, mais c'est vrai que Spider-Man pleurer, pendant ce temps tu pleures à l'intérieur. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit c'est incroyable les enfants, leur capacité à croire au fantastique. C'est-à-dire qu'ils remettent pas du tout en question le fait que bah on a fait la queue pour voir Spider-Man ou que Tigrou il parle pas, il fait juste des gestes comme ça et voilà et ça m'a élargi le truc en disant mais même quand je lis des histoires à Johan, il y a une compréhension totale de oui c'est arrivé, cette princesse peut se transformer en grenouille, ça n'arrive pas dans la vraie vie, je ne le questionne pas que dans la vraie vie j'ai jamais vu de grenouille se transformer en, et ça je trouve ça assez joli quand même. Il y a une espèce de, après sinon ça il y a quand t'es adulte ça s'appelle la religion. Voilà. Non mais bien sûr. Non mais Jésus a marché sur l'eau. J'ai jamais plus jamais dans l'histoire de l'humanité quelqu'un l'a fait. Mais c'est arrivé à l'époque. Et il était mort, il est redevenu vivant. Ceci dit, c'était tard l'époque. Donc c'était tard l'époque. Il y aurait eu les iPhones à l'époque, on aurait. Oh, bah, ça aurait été... Avec les IA maintenant, ils vont nous faire des Jésus. Pas mal peut-être. Ils vont nous faire des Jésus peut-être. Ils vont nous faire. Mais il y avait des adultes qui genre faisaient la queue juste pour être seul avec Spider-Man non, ça, on en l'a tant qu'adulte. Il y a un autre truc. Oh, bah, on va faire un épisode spécial Disney. J'en suis désolé, mais il y a, oh, y a écoute, on a rien. Oui, on était parce qu'on a aussi rencontré. C'est vrai qu'il faut quand même le dire. Je te rappelle qu'on a rencontré le Mandalorian. Oui. Mando. Mando. Qui était avec quelqu'un de très mignon. Il s'appelle Grogu. Johan l'a dit au Mandalorian. Il est très mignon. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Alors Mandalorian, c'est un peu plus compliqué. Tu sens qu'il a des phrases type. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a plus une télécommande parce qu'il fait oui la galaxie. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, Mandalorian. C'est vraiment. Tu feras attention. Je te disais bonjour. Oui. C'est comme quand t'as une imitation, mais seulement sur une phrase ou deux. Tu sais. Le reste du temps, il fait c'est ma vraie voix. J'arrive pas à le dire. Non mince. This is the way. Mais par contre, le petit Grogu, je sais pas comment ça fonctionne. Pareil, il y a peut-être quelqu'un avec une télécommande. Il est enfin, il fait des trucs quoi. Il lève la tête, il baisse la tête, il cligne des yeux. Tu vois, parce que peut-être s'il y a pas trop de temps d'attente, je pourrais aller faire une photo avec The Mandalorian et peut-être une petite vidéo avec Grogu et tout quoi. Je vais être honnête avec toi. Tu as participé à 20% à pourquoi j'ai fait la photo. À un moment, j'ai fait ça, c'est une bonne photo pour Adrien. D'ailleurs, j'en profite parce que bon, j'ai critiqué Pokémon dans un truc et. D'ailleurs, je voulais te demander de le retirer parce que. Mais pas tout le truc, mais juste à un moment, je dis ah, c'est bon, vous avez 30 ans passé, machin. Et j'ai regretté d'avoir dit ça parce que c'était pas du tout mon propos et en plus, c'est pas du tout ce que je pense. Mais c'était. Moi, mon truc avec les Pokémon, c'est pas de s'intéresser à un truc prétendument pour les enfants parce que non, ça, bah, c'est ma vie oui, en oui. vrai. Mais c'est plus le côté. Pécunier, monétaire. Pécunière. C'est AIRE. Ah genre. Oui, oui. Mon métier n'a rien à voir avec écrire, donc tout va bien. Je peux pas. Et puis quoi non, mais mince, putain, j'avais le mot. Il y a mercantile deux secondes, c'est terrible. Ouais, mais tu sais, spéculation. Voilà. Ah, ok. De faire grimper les prix d'un truc qui est pour les enfants à la base. Bien qui sûr, est, bien ça me rend sûr, fou, voilà. Bien sûr, évidemment. Et qu'on encourage ces comportements en faisant des vidéos, notamment des. Même des amis à nous. Ah quoi comment non, ça mais, c'est, mais sur ce, justement, pour répondre à ta question du coup des adultes qui oui. font des trucs avec Disney. Donc quand on est allé voir Mandalorian, donc tu fais la queue et il y a des gens qui ont le super pass ou un truc comme ça et qui arrivent vraiment comme des fleurs. Ils peuvent chasser les enfants. Et ce sont que des vieux, enfin que des vieux, des mecs de 40, 50 ans et quoi. Des gens qui ont de la thune, quoi. Et des gens qui ont beaucoup de thunes. Mais du coup, c'est vrai que tu fais la queue, tu crois que c'est à ton tour et t'as des gens qui passent devant toi pour c'est faire un une photo. C'est un coup de fil en fait le truc. C'est un coup de fil. Voilà. C'est dur de pas être énervé contre eux. Ils payent, hein, c'est pas un problème. Et en même temps, si je retourne à Disney, j'irai avec tout au max pour ne pas faire la queue. Évidemment, je mettrai toute la thune. Non, là, je pense que c'est un niveau de thune. Parce que nous, déjà, ah ouais, moi, c'est vraiment cher. Moi, j'ai la sensation quand je vais à Disney quand même de mettre de la thune. Parce que je paye les fast-pass, les trucs ouais, comme ce ça. Que j'allais dire, c'est pas la même chose que le fast-pass. Ah non, rien à voir. Non, mais là, ils arrivent accompagnés de quelqu'un qui leur fait visiter le parc, de qui Dark leur fait Vador. Passer. Non, mais parce que t'as le fast-pass pour pas trop faire la queue, mais tu fais un peu la queue. T'as des gens qui arrivent directement par la sortie pour pas avoir à faire la queue du tout. Et déjà que moi. C'est ça que je veux. Bien sûr, mais un week-end à Disney pour trois personnes avec ouais. juste le fast-pass, déjà, là, vous savez quoi, je vais dire les prix. Bah, dis. Par personne, ça m'a. S'il a trouvé sur le web. Hein, oui, façon. Non, mais là, c'est par personne, ça m'a coûté 90 plus 90. 180, donc 180 la journée pour voilà. Par personne. Par personne et alors ça alors, oui, un autre truc. Disneyland, si vous nous écoutez, bon, vous allez clairement pas nous inviter avec tout ce que je dis, mais Johan, jusqu'à 3 ans, entrée gratuite pour les enfants. Sympa. À partir de 3 ans, 90 euros. C'est-à-dire qu'il y a pas de petit sas de décompression à 40 balles. Hey. C'est genre c'est terminé. Ouais, voilà, ouais. C'est maintenant tu payes très cher. Ouais. Et je crois que c'est et les adultes 100 euros. Enfin, genre vraiment, c'est vraiment. Bon, bref. Ouais, non, mais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Mais moi, des fois, je me demande si Disney, ils sont pas là pour faire de la thune. Hein. Je me demande, hein. Je commence à y penser. Alors, tu avais un concept qu'on alors, a je qui a été n'avais repris. Pas qui, oui, voilà. qui, j'ai écouté un épisode de Hot Girls Only où elles vont piocher dans leurs notes parce que les notes iPhone, bon, c'est la caverne d'Alibaba. Ou les chiottes d'Alibaba également. Les chiottes, oui. Bah, tu sais, à l'époque, tu chiais dans les cavernes, ah, je pense. Oui, c'est vrai. Donc, il y avait de l'or, mais également de la chiasse. La chiasse, dans, oui, dans, très bien. Dans le coin de la caverne. À l'époque, donc, on chiait dans les cavernes. C'est Aznavour, ça. Il n'y avait pas des Facebook. Pas d'un temps où on lâchait des chiasses dans le coin des cavernes. Et bon. Ça sentait la merde. Ça va, Charles? C'est pas dans le biopic, ça. Et un peu que c'est moi qui chante à la radio. Mais tu parles de chiasse là dans la chanson. Oui, ah, bah, c'est ma première chanson, ça va. Et on cherche son style, hein. J'étais en impro. Je faisais mon planète rap. J'ai lâché un freestyle torse nu, je suis Aznavour. J'étais face à Washtek, c'était. C'était les rap contenders. Bon bah voilà. Oh, attention. Alors Marc, j'allais dire c'est Epic Rap Battle of History. Oui, c'est fou vrai. Fou que personne l'ait fait. Moi, putain, j'ai une. Je me suis dit, ça marcherait là maintenant aujourd'hui en français, Epic Rap Battle of History. Ah oui, tu crois, ouais. Je pense. Et parce qu'à l'époque, tu penses que ça. Je sais. Non, ouais. En fait, à l'époque, je me disais, ça marcherait sans doute en français. Ouais. Après, il y a eu 10 ans où je me suis dit, non, ça marcherait plus. Et là, je me dis, ça remarcherait. Il faut vraiment que ce soit des rappeurs qui le prennent, quoi. Non, mais dans Epic Rap Battle of History, c'est pas des c'est pas des rappeurs connus, mais c'est des gens qui savent rapper. C'est ça, mais c'est ce que je voulais te dire, c'est pour ça que je parlais. Enfin, en vrai, je pense que le rap. Attention, hot take, je peux me faire défoncer, mais je pense que le rap, c'est un peu comme le ukulélé. C'est facile de rapper correctement. Oui. Après, c'est très dur. Après, la courbe de progression devient très ardue. Après, si t'as un peu le sens, tu t'entraînes et tout, tu peux rapper correctement. Dans les temps, en tout cas. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, on demande pas non plus dans Epic. On regarde pas Epic Rap Battle of History pour voir du rap technique génial. Donc, je me dis bon, voilà, parce que des vrais rappeurs ne le feraient jamais. Pour dire juste Epic Rap Battle of History, peut-être qu'il y a des jeunes qui connaissent pas. C'était des clashs de rap sur des figures historiques. Oui. Et après, ils ont élargi. Enfin, il y avait aussi de la pop culture. Je crois que même en vrai, dès le début, parce que le premier c'était Hitler versus Dark Vador, je crois, ou un truc comme ça. Non, mais tu sais, ils mélangeaient des trucs. Ils ont frappé très fort, très vite. Mais voilà, et c'était ça, c'était des clashs de personnages. Mais ce qui était cool, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait des guests, notamment Keen Peele, qu'on fait deux. Ouais. Et Snoop Dogg aussi, il y a eu Snoop Dogg. Snoop Dogg, ah ouais. Snoop Dogg en avait fait un aussi. Et bah tu vois, moi je me dis, et d'ailleurs je crois qu'ils en ont, je me demande s'ils en ont pas ressorti un nouveau récemment là. Ah ouais, d'accord. Mais je me dis, ça pourrait marcher. Allez. Est-ce que c'est dans tes notes? C'est. Bah dis-toi que oui, d'une certaine manière. D'accord. Mais. Et donc oui, alors ce concept c'était. C'était on lit nos notes et puis on commente et puis machin. Parce que c'est vrai que c'est le bordel. Et toi, est-ce qu'on faisons déjà les notes et voyons ce qu'il en sort. Moi, j'avais un autre concept. Mais j'aimais bien le fait d'alterner. Bah, on peut le dire, et puis si on le fait pas. Bah, vas-y, l'autre concept, c'était parce que maintenant, avec les mises à jour d'iPhone, quand tu vas dans le dossier photo, tu peux utiliser la petite loupe en haut à droite et mettre des mots. Le dossier photo, déjà. Le dossier photo de l'iPhone, et tu peux mettre des mots. Tu peux faire une recherche. Ça fait un moment. Hein. Tu recherches dans ta photothèque. Bah, moi, je mets jamais à jour. Si c'est mon problème. Bah, parce qu'ils nous observent. Et tu mets un mot, et en fait, ça te propose des photos. Et donc, j'avais aussi proposé ça derrière. On met des mots, peu importe lesquels, et on voit ce qui sort en photo et voir s'il y a des trucs marrants. Mais je propose de commencer avec les notes. Moi j'ai essayé de regarder. Attends, on va faire juste un exercice que j'aime faire juste avec les photos là. Vas-y. Je te propose, tu mets le mot chien. Vas-y. Et on compare. J'en ai 69 moi. 69 résultats. Moi, il me met que j'en ai plus de 2600. Des photos de chien dans mon téléphone. Et sachant que moi, dans les photos de chiens, j'ai cette vidéo de deux porcs. Oui, bon. Donc l'iPhone n'est pas au top. Ouais, c'est vraiment exclusivement des photos de Francky. Voilà. Ah, évidemment. J'ai aussi un peu de Francky. J'ai un petit Francky ici. Et il met 2600 plus. Ça veut dire qu'il a arrêté de compter au bout d'un moment. Il a dit oui, bon. Ça le fout. Et là, j'ai aussi une photo de moi petit. Ou chez une fille que j'embrasse sur la joue. Avec et il y a un très beau poster de chien dans un arrosoir. Qui ressemble un peu au chien de pyjama. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être c'est lui et c'est un chien Vlavieux. On n'en sait rien. Vampire chien. Freddy Vlavieux d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on remonte à notre première note? Il y a 12 ans, il y a 13 ans, je vois. Wow. 14 ans. Ah oui, d'accord. Parce que moi, c'est 2018, le plus vieux que j'ai. Ah ouais, moi j'ai. Je devais pas avoir d'iPhone avant. Genre là, par exemple, j'ai une note qui s'appelle Peintre. Et il y a écrit juste Eugène Isabey. Ouais, donc c'est sans doute j'ai vu un tableau de je vais me faire une petite liste de peintres que j'aime bien. Un nom. J'avais une idée de jeu vidéo. Ok. Et j'avais noté le gameplay. En cliquant, on fait tomber une pierre. Elle tombe toujours de la même hauteur du haut de l'écran et met toujours le même temps à tomber. C'est la seule action qu'on peut effectuer dans le jeu. En bas de l'écran, un personnage avance quoi qu'il arrive à la manière d'un lemming. Il faut le faire parvenir à son but en faisant tomber les pierres. Et j'avais mis exemple d'utilisation des pierres, faire tomber une pierre près du personnage pour le faire sauter, c'est genre comme ça, oui. Bam, et il saute. Le rebond quoi. Faire sauter une pierre sur un ennemi pour le détruire, faire tomber une pierre pour boucher un trou, faire tomber une pierre sur une bascule pour propulser le personnage. Pas mal ce jeu là. Il découvre. Pas si mal hein. Moi il y a un truc qui est terrible des fois quand je retrouve mes vieilles notes, c'est que je me dis oh là là, j'étais beaucoup plus créatif que maintenant. Ah, ça m'a fait ça aussi. Ça m'est arrivé des trucs que j'ai écrits, je fais putain, mais c'est drôle ça maintenant, j'ai l'impression que je suis moins marrant quoi. Bah, j'ai l'impression que ça pourrait pas sortir aussi facilement. Moi, j'ai retrouvé un pitch de film qui s'appelle Mec du futur. J'avais pas le titre évidemment. Oui, bien sûr. Et le pitch, c'est un vieux vient voir un jeune pour lui dire quoi faire de sa vie. Il est lui vieux. C'est le lui du futur qui vient voir son lui du passé en disant il faut que tu changes des trucs dans ta vie parce que notre avenir il est horrible. Il faut que tu changes des trucs. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est juste pas un lui, vieux. C'est son oncle qu'il a perdu de vue et c'est son et en gros qui veut l'aider dans la vie parce que lui a une vie de merde, l'oncle. Ok. Et il veut que son neveu ait une vie cool, mais c'est pas du tout son lui du futur. Pas mal. Et voilà. Mais et... est-ce que toi tu dirais très vite on apprend que c'est vraiment son oncle ou c'est un twist à la fin Non, toi tu sais que c'est son oncle assez rapidement, genre midpoint, c'est ce que j'ai noté d'ailleurs. Ok. Et après alors. Mec, il utilisait déjà les termes. En effet, notre héros s'est embrouillé avec son père. Ah oui, c'est ça. J'avais mis qu'il y avait un père malade et c'est le père. Ah oui, c'est le père qui manigançait ça avec l'oncle, avec son frère du coup. Voulant voir son fils, le père malade demande une faveur à son frère un peu débile, se faire passer pour son fils du futur. Wow, okay, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et filmer un paysage flou avec perso de dos qui redevient net quand le perso disparaît du cadre. Ah ouais, donc y a clair des, ça des, oui, ouais. Ça c'était un film qu'on avait avec Le Caplin, je lui demanderais si j'ai le droit de le dire. On voulait faire, on voulait faire un found footage d'un faux exorciste, ça s'appelait, le titre, j'adorais le titre, c'est « Délivre-nous du mal Benoît ». Et en gros c'était un arnaqueur, tu vois, un mec qui se fait passer pour un exorciste et évidemment il y a un vrai démon qui vient oui. Machin et tout ça en mode c'est taillé près de chez vous, tu vois, ouais. En fun footage et tout. Et donc, en gros on a nous du mal Benoît Poulvord du coup. C'est ça. Bah je pense que en vrai de vrai c'est bon vas-y ça a dû faire le lien, ouais, tu ouais, vois. Et en fait on l'a pas fait parce que c'est littéralement un film qui existe. Ah ouais. Ouais, qui s'appelle Le Dernier Exorcisme et on a bossé dessus plusieurs mois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était un pitch qui existait vraiment. Et ça m'a fait ça. Tu sais que récemment, j'ai raconté ce truc de ah, ça sera un bon Pixar, un chien de célibataire et le mec se met en couple et ça bouscule le chien. Ouais. Et bah c'est un Pixar. C'est un court métrage Pixar. Ah putain. Mais je l'ai jamais vu. Je le jure sur ma vie. Je le savais pas. Ce serait ridicule que tu le dises. Bah que j'ai dit. Hey, on dirait pas trop un Pixar. Pixar. Oui, oui c'est un court métrage Pixar. C'est-à-dire le Pixar littéralement qui existe. Bah comme quoi, c'est marrant. On dirait vraiment un Pixar du coup. Oh là, moi j'ai. C'est là où on voit que je suis vraiment une horrible. Enfin, j'ai juste une note qui s'appelle comportement trivial poursuite. Et dedans, il y a marqué c'est s'il y a un semblant d'hésitation de la part de l'adversaire au moment de. En gros, c'est les comportements qui m'énervent au trivial poursuite. J'ai fait une note. T'as fait une note sur les gens juste qui pour t'aiment. Ça. Et c'est, j'ai mis s'il y a un semblant d'hésitation de la part de l'adversaire au moment de donner la réponse, répondre bah oui, bien sûr que c'est ça. Ah, c'est genre, oui, je vois très bien. Ah, quand on apprend que c'est la bonne réponse, c'est très bien. C'est très énervant. Je dis bah je sais pas, je dirais Guernica. Et l'autre fait oui, c'est Guernica. Il fait bah oui, c'est Guernica. Énervant. Et ah oui, j'ai mis systématiquement dire que les questions de l'adversaire sont faciles. Ah oui, bien sûr, on déteste. Et répondent plus que nécessaire entre parenthèses, surtout si c'est pas votre question. C'est-à-dire tu dis la réponse et en plus tu dis oui bah c'est machin, bah ça t'est réalisé par machin, tu parce qu'on te demande, ferme voilà, ta gueule. Ça c'est moi ça. Je vois très très bien. Ouais. Je suis malheureusement ce monsieur. Non. Oh si, ouais. si je suis un peu comme ça. Ouais. Pas à chaque fois mais ça honnêtement ça peut m'arriver. Non mais après oui, on en sait énormément. Non, attends, on a le droit. Non mais bien sûr. Bah après bon, j'ai un truc qui je pense peut être pas mal. Vas-y. J'avais proposé à l'époque des chansons pour l'album de McFly et Carlito. Oh, alors putain, je vais pouvoir enchaîner avec un truc. Et j'ai pas mal d'idées de chansons. Et je pense qu'il y en a des horribles, hein, parce que c'est vraiment des notes à l'arrache, quoi. Ouais, ouais. Ils n'en ont gardé aucune. D'accord. Ouais. Et peut-être pour leur plus grand mal. Oh non. Et c'est ça qui est bien. Ah, ouais, ah ouais, c'est vraiment pas ouf. Pas. Summer Party. Bah, TikTok Girl n'est pas dans la liste. Donc, voilà, bon. Summer Party Vacances Friendly. Un tube de l'été sur l'amitié et les potes en mode spring break, sauf qu'en fait, c'est le quotidien des vacances entre potes qui prennent les dessus. Exemple, tu peux mettre ton bol dans l'évier s'il te plaît, on avait dit qu'on partageait les courses, encore à la plage aujourd'hui mais nous on vous laisse balader en ville. Vous pouvez pas vous plaindre du monde à la plage vu à l'heure à laquelle vous vous levez. Ouais, okay. Qui a fini les grains de la... Et en gros c'était ça, c'était que des paroles qui disent les trucs relous quand tu pars en vacances avec des potes. Trop, oui, je vois. Trop high concept, trop SNL pour McFly Carlito. En fait, c'était ça. Ouais. C'était un peu Injustice, un rap militant sur les injustices à la Made in Kerry James, mais sur des petites injustices du quotidien vraiment pas ouf. C'est pas moi l'odeur aux toilettes, mais le gars avant moi. Mon ticket du McDo est le 17. La merde est arrivée très vite. Ah ouais. Mon ticket du McDo est le 17, mais on a servi le 23 avant moi. Voilà. Les t-shirts sont censés être en L, mais clairement, c'est du M. Voilà. Ouais, ouais. C'était. Encore une fois, c'est les notes. On sait que c'est pas ouf. Mais, ah bah... Pop song de soirée dédié aux mecs qui veulent mettre leur musique. Tu viens de. Alors, c'était à l'époque. Personne ne t'aime, t'es à l'ouest. Tu viens de couper le refrain d'une chanson de Kanye West. C'était l'époque, attention. Bien sûr. C'est jamais la bonne chanson, jamais le bon moment. 23h, une chanson Disney, c'est consternant. La salle est plongée dans le silence, le temps de te connecter. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah bah ça, chanson un peu comme qu'il y a dans Bref, puisque c'était une chanson sur les tontons. Ah. Et c'était Section d'Assaut a fait une chanson sur les mamans, Big Flo et Oli a fait une chanson sur les papas. Voici une chanson sur les tontons et sur leurs blagues qui nous saoulent. À la fin des bonnes annonces du cinéma, ils disent « Il était court le film, ils font des chaises avec le fil de fer du bouchon de champagne. » Et d'ailleurs, ils finissent souvent la bouteille de champagne, etc., etc. Voilà. Pas mal. Pas mal. Ouais. Mec, celle-là, je la comprends pas. Ça, c'est les meilleures notes. Ça s'appelle « Mon père a fait une pub pour les capotes ». Chanson pop sur la gêne parce que son père a fait une pub pour les capotes. Puis en fait, son père est aimé et a sauvé la vie de plein de gens. Troisième couplet, le gars est maintenant jaloux de son père qui a fait des pubs sur les capotes. Oh, moi, je comprends totalement. Moi. C'est limpide pour moi. Je pense que tout est basé sur mon père, la sonorité de la phrase. Oui. Mon père a fait une pub pour les capotes. Oui, oui, oh, mais je comprends du coup que c'est juste pas leur. Bah non, c'est non. Pas leur DA. Mais je pense qu'il y a même une ou deux qui ont dû être proposées à l'époque du Tour du Bagel. Parce que je sais que c'était ma marotte. Moi, je voulais absolument faire oui, des oui, clips pendant le Tour du Bagel et on n'a jamais vraiment réussi, à part Clash d'Astéroïdes à la fin. Oui. Mais sinon, j'étais bien crédité d'ailleurs sur vraiment pas une trace de ma collaboration ce sketch. Trop bien. Alors, c'est marrant parce que moi j'ai retrouvé mes notes au moment où j'étais sur. Alors, ça s'appelait pas encore Le Flambeau, puisque ça devait être. Enfin, la suite de La Flamme en tout cas. Ça devait être une femme. C'est ça, une bachelorette. C'était ça la suite du. C'est ça, ouais. Voilà. Ça devait. Et plein de prétendants, mec. Exactement. Et du coup, j'avais noté des idées de personnages, du coup, mec, parce que on en était au tout début. Ouais. Donc j'avais mis un mec qui dit qu'il est surdoué et en fait on se rend compte qu'il est trop con. Ouais, bien. Juste un mec qui dit bah en fait moi je suis HPI et tout. Et en fait, ce que j'aime bien parfois, c'est que les gens, tu sais, ils disent. Genre ouais, mais nous en fait, nous les HPI, tu vois, quand on joue à des jeux de société, en fait on comprend pas les règles, parce qu'en fait on est HPI et en fait notre cerveau, et plus ils décrivent le truc, plus tu dis ça ressemble beaucoup à être con ça quand même. Oui, je vois très bien. Et donc ça me faisait rire que ce soit ça, que le mec dit ouais, et au bout d'un moment tu dis mais il est pas du tout HPI, peut-être qu'il est juste con, et tu sais qu'il y a des indices. Bon, ça me faisait rire. Ah, c'est drôle. Un mec dont son ex est un. Tu sais, les coussins où il y a un personnage de manga dessus. Il parle de son ex et on se rend compte à un moment que c'est un coussin avec une meuf d'animé imprimée dessus. Alors j'ai juste mis un beauf qui s'en bat les couilles. Bah, ouais. Cela dit, qui est dans Le Flambeau, c'est Casmerade un peu. Oui, oui, bah ouais, un peu. Et j'ai mis entre parenthèses, pas BG. Et donc c'est que en gros. Bah donc non, c'est bon, c'est pas Casmerade. Non, non. Non mais c'était qu'en gros, je pense que c'était parce que là c'était à l'époque, c'était des prétendants et c'est genre il était là et c'est vraiment lui, il était là juste pour enfin il cherchait même pas à être à séduire, tu vois. Oui, oui. Il était là et, ah, c'est bon, quoi, ça, on peut plus rigoler. On fait l'apéro et tout, machin. J'avais mis un mec ultra poissard mais qui reste positif. Et alors, c'est là où je voulais en venir. J'avais mis un complotiste toujours sceptique pour tout et n'importe quoi. C'est bien. Et j'avais, mais qui est un personnage du coup. Ouais, ouais, bien sûr. Et j'avais mis ne crois pas, ça je crois qu'ils ont pas poussé le truc à ce point là, mais j'avais mis ne crois pas à des trucs évidents comme les pourcentages. Les pourcentages, oui, bien, oui sûr. Bien sûr. Tu divises par 100 et ça fait un truc. Ok, ouais, ok. Pas si simple que ça en fait. C'est et drôle. Voilà. Et donc du coup je me dis, ah oui, c'était. Il y avait des trucs. Ouais, ouais. Et puis il y a une idée qui a été dans le flambeau du coup. Ouais. Moi j'ai ça avec la. J'ai retrouvé la note. Ah oui, pardon, parce que j'ai une autre note où c'était un personnage. J'ai déjà mis un influenceur qui a aussi été dans le truc. Alors après, j'ai mis l'IA est représentée par un animatronique dégueulasse. Je sais, l'IA, c'est-à-dire. Tiens, moi j'ai un truc, c'est court. On va voir si tu. Parce vas-y. Que je l'ai lu, j'ai dit c'est quoi ce truc. Et après j'ai fait. Ah. Alors que les enjeux sont de taille et la tension à son maximum, un vieux briscard devenu soldat de fortune demande de l'aide à son ami général. Ces deux chiens de guerre qui en ont vu d'autres ne sont pas au bout de leur surprise. Ah oui, donc c'est des films qui baisent ensemble ? Non. Ah non ? Bah c'est quoi ? C'est la description du sketch L'équipe des meilleurs. Ah, incroyable, voilà. Sketch de Golden Moustache que je vous invite à regarder. Qui est sur YouTube. Oui, oui, qui est sur YouTube, que j'ai écrit. Et si on fait une pause photo ou... Pause photo, vas-y, pause photo. Donc je rappelle, on écrit un mot dans nos photos et on voit ce qui sort. J'ai envie de te dire le mot livre. J'ai cette photo, je te laisse la décrire. Alors, il s'agit d'Adrien. Une photo qui date un peu, je pense, où tu es en slip, couché dans un panier de chien. Voilà. Avec un synthétiseur derrière, j'ai l'impression. Oui, un petit clavier, oui. J'étais couché dans le... pour faire une blague. Hein, bah, t'en manquerais plus que ça. Alors, putain, ça, c'est marrant. C'est la photo de d'Alain Chabat. Alors, je vais faire un... En gros, c'est la photo hardcore, studio hardcore d'Alain Chabat. Studio hardcore, en fait, c'est des photographes qui prennent des photos très stylées, noires et blancs. Voilà. Souvent d'acteurs, et voilà. Voilà, ce qu'on peut faire avec un iPhone maintenant. non, mais oui, c'est légendaire, c'est la légende. C'est ça, c'est la légende. Surcoté, je pense. j'ai vu, ils font maintenant des cabines photomaton studio hardcore. Ouais. Même dans des cinoches, tu peux faire ça, ouais. Pâté, machin, ouais. Voilà. Et en gros, on avait fait une séance photo, mais du coup, il y a très longtemps, pour Golden Moustache. Ouais. Et la DA était posée avec un objet que vous aimez bien. Et du coup, moi, je cherchais, je m'étais dit, ah putain, je vais prendre le manuel des castors juniors. Donc qui est un bouquin, on revient à Disney, hein, bien sûr, mais qui est une espèce de livre, enfin, c'est pour les enfants, c'est Donald et Riri Fifi Loulou, mais en mode un peu scout, et c'est un peu un livre d'astuces de comment vivre dans la nature, reconnaître des trucs et tout, quoi. Et donc moi j'ai ce bouquin que j'ai gardé depuis l'enfance, et je me suis dit, oh bah marrant, je vais poser avec le manuel des castors juniors. Et un jour, je tombe sur la photo studio hardcore d'Alain Chabat, a.k.a. Mon idole depuis que je suis enfant. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains ? Le manuel des castors juniors. Mais genre, exactement. Et quand on connaît la photo d'Adrien, c'est fou parce que c'est vraiment le cadrage est assez similaire. Un peu, ouais. Ouais, non, mais c'est fou. Et. C'est et la même édition, tout, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a eu, genre. Il y en a eu, je sais pas combien, des volumes, ouais. Le même et tout. Et ça m'a fait, j'emploie le mot, un choc mental. Choc mental qui, je rappelle le principe, est juste de demander une info. Enfin, c'est pas un choc. C'est marrant, tu parles de Chabat, du coup, j'ai tapé Chabat dans les photos pour voir ce qui ressortait. Ah. Et moi, j'avais un magazine première, c'était pour un anniversaire du magazine première, peut-être les 30 ans, peut-être, je sais pas. Et 30 ans, c'est écrit dessus. Et en fait, c'est Chabat qui avait refait des affiches de films connus. Et genre, il avait fait Pulp Fiction. Oui, je m'en rappelle. Et voilà. Et donc, du coup, c'est l'affiche de Pulp Fiction avec Alain Chabat déguisé en Uma Thurman. Et il avait fait Amélie Poulain aussi, je me souviens, de mémoire. J'ai qu'un résultat, moi, du coup. Ah ouais. J'ai Chabat. Et donc, du coup, je vais lire le truc. J'espère que j'ai bien croppé comme il faut. Je lis le truc. Vas-y. Mon Adrien, mon tendre Adrien. Ah, c'est dans quoi, ça ? Oui. Ah, putain, je déteste ça. Quand j'essaie de... Mon Adrien, mon tendre Adrien. Le discours. Bien sûr. Et quand il lit le discours en livre audio. C'est la version livre audio du discours, où le personnage principal s'appelle Adrien. Ouais. Et du coup, j'ai du coup un clip de Alain Chabat qui dit « Mon Adrien, mon tendre Adrien ». Voilà. Quel plaisir. Je me l'écoute parfois quand ça va mal. Et si on se renotait des petites notes là, un peu là ? Alors écoute, moi j'ai un... J'ai envie de fouiller dans mes notes là. Moi, je suis retombé sur une note et je suis tellement content d'avoir gardé ce truc. Je vais juste, on va peut-être pas tout lire parce que c'est extrêmement long. Ouais. Mais c'est un jeu que j'ai inventé à ma connaissance. Allez. Et que je vous invite à faire. Moi, je l'avais fait avec mon ex à l'époque. Je pense que c'est bien de le faire en couple. Ouais. Qui en gros, je m'étais dit, tu vois la chanson Jeune Demoiselle de Diams. Bien sûr. Où elle décrit son homme idéal. Évidemment. Et du coup, je me suis dit, mais faisons un quiz. Je m'étais même dit à l'époque, putain, faudrait qu'on s'enregistre en train de faire le truc, mais on l'avait pas fait. Mais et en gros, je m'étais posé avec du coup mon ex, et ouais. J'avais pris chaque critère énoncé par Diams dans la chanson, et je lui avais dit, donc, sachant que le système de notation était 0, le critère n'est pas du tout rempli, 1, le critère est partiellement rempli, 2, le critère est totalement rempli. Okay. Et en gros, je prenais chaque... en gros chaque argument, enfin chaque critère de Diams, ouais. Et je lui disais, à ton avis, est-ce que je suis du coup un mec mortel là ou pas. Et du coup, c'était assez marrant. Je vous invite à le faire. C'est un bon jeu, hein. Ouais, ouais, c'est ouais, un bon jeu. Je vous invite à le faire avec votre, vos amis. On peut le faire, voilà, même si d'ailleurs on s'identifie pas en tant que mec. Bien sûr. Juste, est-ce que vous êtes mortel ? Évidemment. Même si, bon, effectivement, les arguments sont énoncés dans la chanson, sont, voilà, un petit peu genrés. Mais tu vois, par exemple, alors ce qu'il y a, c'est que j'ai les notes et il y a les commentaires de, que j'ai fait après. Par exemple, elle dit au début mon mec à moi a la voix de Music Soul Child, qui ouais. est un chanteur de R&B, je crois. Donc là j'ai mis 0 ouais, j'ai mis aussi, ouais. J'imite pas trop mal Julien Clerc, mais on reste sur un échec. Ah, moi je chante juste très mal. Ensuite, il a du charme et du style à la Beckham. Alors je précise que ce n'est pas des notes que je me suis mis, enfin évidemment parfois, parce que bon, l'amour faisant, elle voulait me mettre 2 à chaque fois, tu vois. Et donc des fois je disais non. Donc je contre-argumentais quand même. Mais du coup du charme et du style à la Beckham, j'avais 1. Ah ouais, moi j'ai 0. Je pense que j'aurai 2 maintenant parce que je m'habille quand même un peu mieux qu'à l'époque. Mais enfin selon ses critères, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai un peu de charme et un peu de style, mais pas autant que Beckham. En tout cas, pas le même charme et pas le même style. Bref, sans doute un point de pitié. j'ai mis alors la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Okay. J'ai mis donc 1 et j'ai mis si le film est Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai 2. bon, je vais pas tout faire. Hein. Après, ouais. Le charisme de Jay-Z, j'ai mis. On est allé au resto hier et la serveuse est revenue 2 fois parce qu'elle avait oublié quelle plat j'avais commandé. 1-0 amplement mérité. Voilà, ah, voilà. C'est déjà très écrit pour te, dans ouais, tes notes. Quoi. Mais je pense que je voulais peut-être en faire un truc, je sais pas. Mais ouais. Tu vois, le sourire de Brad Pitt, 1, j'ai mis. J'ai un sourire. ok. Aime les formes de Gillo. 2. Ok, je commence à marquer de sérieux points. Et après, il a le torse de D'Angelo. 0. J'ai mis et c'est un échec. C'est qui D'Angelo? Putain, j'ai. C'est aussi un chanteur de R&B, me semble-t-il. Après, j'ai mis me fait rire comme Jamel. 2. J'ai mis je pense qu'elle m'a mis 2 parce qu'elle savait que sinon j'arrêtais le questionnaire. Ouais, voilà, bon, écoute, peut-être que je pourrais. Écoutez, si, mettez dans les. Donnez dans le Patreon qui n'existe pas et je vous lirai. Je vous lirai le. Ah, ça me fait rebondir parce qu'on parle de réaction. Cela dit, ça pourrait être un bon truc à faire sur Twitch. Ouais. À chaque fois, je demande aux gens de voter et. Tiens, pas con, tu vois. Pas con. Non, ça me fait rebondir sur ce que j'ai. Après, les gens sont sympas. Ah, pas que. C'est les épisodes que tous les deux, donc on doit en profiter. J'ai reçu des messages parfois qui disaient ah, pourquoi vous avez coupé les commentaires sur les photos. Oui. Et c'était juste pour dire bah, parce qu'en fait, ça devenait un peu le service après-vente du Floodcast. Et c'était pas l'idée du tout. Des gens qui parlaient mal des invités. Des en invités, gros. Et donc du coup, on veut s'éviter ça. Et des fois, c'est pas forcément à volonté méchante. C'est des fois de la pure maladresse de. Ah, c'est qui je connais pas, mais c'est jamais très agréable quand oui, t'es invité. Et parfois c'était juste, parfois, c'est juste des commentaires de gros cons. C'est surtout bon, à la base c'est juste pour annoncer aux gens qui étaient là et en donc, plus du coup pas besoin voilà, de commentaires. Après on le rappelle évidemment une grande majorité de c'était commentaires sympas qui a été gâché par une poignée de tristes cires. Et surtout parfois il y a des gens avec qui on est plus en accord veulent nous défendre le truc, donc il y a des débats oui, voilà, dans ça. Les commentaires. En fait le truc tout bonnement, c'est que on a juste pas le temps de passer notre journée à modérer les commentaires. C'est ça, exactement. Donc on s'est dit, bah en fait, on va juste voilà. les couper. On voulait juste annoncer. Après, ça devient un travail de modération qui est voilà, un peu chiant. Après, les messages sont toujours ouverts du Floodcast si vous voulez envoyer des trucs et tout. Voilà. Ouais, voilà. Mais on a coupé les commentaires pour ça. Pour ça. Tu fais bien parce que je me suis dit, on l'a jamais. Ben non, on l'a jamais expliqué. J'ai des notes de stand-up, dis-toi. Ah bah alors moi j'en ai une chier de ça. J'ai beaucoup de respect pour ma nana. C'est vraiment très douloureux de mettre au monde un enfant. Elle a mis au monde notre fille après 12 heures de travail, 12 heures à pousser, 12 heures à avoir des contractions, 12 heures à faire un truc qui lui fait super mal. C'est-à-dire que moi, même un truc que j'adore faire, jamais je le fais pendant 12 heures. Ouais. Par exemple, j'adore le baby-foot, mais au bout de 12 heures, vraiment j'en ai marre. Mais oui, très bien. Marrant. Moi j'avais un truc qui était. Mais elle est pas claire cette blague, même si je l'aime bien. C'était avant j'étais en couple, je me disais ah le nombre de filles avec qui je vais pas faire l'amour. Et maintenant je suis célibataire et je me dis ah le nombre de filles avec qui je vais pas faire l'amour a augmenté de 1. C'est drôle. C'est marrant. Quand tu dis que t'as 33 ans et qu'on te dit ah l'âge du Christ, c'est comme si tu disais ah je connais un gars qui est mort à cet âge là. Je sais pas, l'âge du Christ, c'est l'âge où il est mort en fait. Ah, moi j'ai un truc, c'est pas drôle, hein, mais c'était juste une remarque. J'ai un enfant depuis peu, c'est très cool, mais un truc qui est absurde, c'est les conseils de des potes qui sont déjà papa. Ils pensent te partager des grandes leçons que eux ont apprises comme des vieux sages, alors que c'est des trucs très basiques comme si t'as une petite fille et qu'elle fait caca et que tu les suis, pars du vagin et va à l'extérieur des fesses, sinon elle peut choper des boutons. Et je disais, qui fait l'inverse? Je vais pas rabattre la merde comme un évier. Écoute, à mon avis, j'ai mis pourquoi préciser si t'as une fille, genre si c'est un petit garçon, c'est bon, tu peux stocker un peu la merde sous ses testicules. Ça tombera à la première lune du mois quand Mercure rentrera en métrograde et à ce moment-là, fais un vœu. Sinon, j'ai des notes, mais je suis content de pouvoir les, parce que j'en ferai jamais rien, qui était, je pense que tous les personnages de la gloire de mon père sont racistes. Ils disent rien de raciste dans le truc. Tu m'as déjà dit, mais pour moi, ils sont racistes. Et après, c'est genre, oh, écoute le chant des cigales, elle vient te conter la ritournelle. T'es raciste, gars. C'est sûr que t'es raciste. Je viens. Oui, tu fais genre t'es poète, tu es raciste, c'est sûr. Basé sur rien. Ah oui, bon, ça c'est vraiment. J'avais mis, tu sais, quand t'es dans un bar, ouais, et tu dis je vais prendre un coca, et il te dit coca normal, et tu dis bah non, je pense coca zéro, mais je pensais que vous alliez lire dans mes pensées, quoi. Évidemment que c'est un coca normal, sinon je suis pas fou, j'aurais dit coca zéro, quoi. Et après, je me dis, sans doute ils demandent parce qu'il y a des milliards de cons, bah oui, oui, qui disent coca alors qu'ils veulent un coca zéro. Non, mais c'est sûr. Vraiment, j'ai une note, il y a juste marqué pourquoi les rappeurs rigolent au début des morceaux. Quand tu fais pourquoi tu ris, il y a rien de drôle. La chanson n'a même pas commencé. Les gens qui demandent la distance à vol d'oiseau. Ah oui. Dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, j'y vais en oiseau. Non, bah ferme ta gueule alors. Mais c'est quoi, c'est à combien à vol d'oiseau je parle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre. J'y vais vraiment en voiture, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est des trucs, c'est marrant, j'en ai parlé dans le Floodcast en fait. Genre la SNCF, ils se touchent vraiment sur les prix. Je voulais redescendre voir ma famille pour Noël, 160 balles. Ça se voit, ils ont jamais dîné avec mes parents pour croire que ça vaut 160 euros d'aller voir ma famille. Moi, les bébés qui commencent à marcher doivent sans doute faire des crises d'angoisse tout le temps. Parce que ça doit être putain, waouh, wow, je vais tomber. Comme le stress quand tu apprends à conduire, ça doit être ça fois 1000, quoi. Ah, j'aime bien. J'avais mis aussi les gens qui te décrivent des soirées où ils se sont bourrés la gueule. Je dis, c'est comme si tu racontais, t'es allé au resto et t'as eu une intoxication alimentaire, quoi. J'ai dégueulé mon pote et tout. Oui, bon, bah, c'est. Tu as été malade en fait, tu t'es rendu malade, quoi. Je te raconte pas que j'ai eu la chiasse parce que j'ai mangé du houmous qui est resté hors du frigo, quoi. Oh putain, c'est drôle. Ça, j'aimais bien aussi. C'était genre, quand tu utilises, t'envoies un message pour dire ma grand-mère est morte et tu mets l'emoji avec une larme. Et tu dis j'ai perdu mes clés et tu mets le même emoji. Tu dis peut-être il faudrait qu'il y ait une gradation. Un jour, je ramassais la merde de mon chien et il y avait une ancienne merde d'un autre chien à côté. Et je l'ai ramassée. Et je me suis dit, bon, bah elle est à côté, je la prends. Et je me suis dit, ah oui, mais là, attention, j'ai passé un cap, c'est-à-dire que je suis pas genre le mec qui ramasse la merde de son chien, je suis un mec qui ramasse des merdes dans la rue. Juste, tiens une merde. Là, j'ai vraiment passé un cap, genre de bon citoyen à personne vraiment très bizarre, quoi. Après, il y a le stand-up, mais il y a aussi les sketchs, parce qu'on a, en plus, on a écrit pas mal de sketchs ensemble. Entre c'est vrai, le c'est bagel, vrai. MST de Yvick, ouais, et tout. Ah putain, ça c'est. Bah, je suis. Parce que c'est trop tard pour ce sketch. Allez. Et je suis dégoûté, j'aurais trop voulu le faire. C'est que, en gros, dans Retour vers le futur 2, ouais, il y a Les Dents de la Mer 15 ou un truc comme ça. Ouais, non, ouais, ouais. Et en gros, je m'étais dit, parce que en gros, c'était l'anniversaire de. Enfin, non, c'était en 2015, du coup, Retour vers le futur, c'est ça? Ça se passe, oui, en 2015, ça, 2015, quoi. Le futur, ouais. Et en gros, du coup, en 2015, je m'étais dit, venez, on fait un sketch où on rattrape le retard, parce que où on fait tous les Dents de la Mer jusqu'au 15 pour rattraper le. Enfin, je sais pas si c'est 15 dans le film. Je crois c'est ça, c'est ça, c'est ça. Okay. Ouais. Et je m'étais dit, bah, on fait un sketch où on fait. Il n'y a pas eu Les Dents de la Mer 2, ça existe pas, si Si, enfin, ils sont allés jusqu'à 4, en fait. Ils sont allés jusqu'à 4, ouais, voilà. Ouais. Et bah, du coup, je voulais dire, on fait le 5, 6, 7 et tout, et ça devient de plus en plus absurde. Genre, voilà. Et franchement, j'aurais trop voulu faire ce sketch. Et on m'a dit. Ouais, bah, niquez-vous. j'avais un sketch où c'était, tu sais, les. Dans les films, alors tu sais, les films où t'as deux pilotes d'avion et les mecs ils se tirent un peu la bourre, genre, hey, regarde, machin, tu sais, genre, il y en a un qui fait un looping et l'autre fait, ah ouais, vise un peu ça et tout, et il fait une vrille et tout, il fait, ah ouais, et regarde et tout. Et en gros, c'est ça, ils se tirent à la bourre, et genre, au bout d'un moment, ça, évidemment, ça dégénère, genre, il y en a un qui passait en rase-motte et qui volait le sac d'une vieille, mais de son avion, tu vois. Il disait, waouh, attends, regarde ça et tout. Et puis après, ça devenait n'importe quoi. Genre. J'imagine qu'il chiait à un moment. J'avais pas vraiment. J'avais pas développé. Il y avait pas trop de merde hein, dans les skills Golden, Bagel et tout. On n'a pas trop fait. Pas trop. Moi, j'avais le sketch de la minute de silence que j'avais essayé de refourguer absolument partout. C'est dans une réunion, un employé rappelle qu'à midi, il y a une minute de silence nationale suite à des récents événements. Je pense que j'ai dû l'écrire à l'époque. Mais tu l'avais écrit, je me rappelle. Pour le tour du bagel, tu l'avais écrit. La minute de silence commence et il y a un employé qui arrive en retard et il croit que tout le monde lui fait la gueule et il dit un fou, genre quoi, ça va, je suis en retard. Personne ne parle. Ah ouais, d'accord, donc c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas content de moi. Et vraiment, le mec devient fou ouais, parce que. À ce stade, vous pouvez pas me blairer en fait. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Là, j'ai. Putain, comme quoi je notais vraiment tout à l'époque. J'ai juste un mec qui croit qu'il a inventé l'expression le monde est petit. Et tu sais qu'en gros, c'est deux gars qui parlent et il y a un gars qui fait genre ah ouais, putain, le monde est petit. Hein. Et l'autre il fait bah, attends, c'est mon expression, c'est moi, je te l'ai dit. L'autre il fait de quoi? Il fait bah, le monde est petit. C'est genre, c'est mon, le truc que j'ai inventé. Et le gars il fait vraiment pas du tout, gars, c'est le monde est petit, c'est connu. Et il fait mais gars, le monde est petit, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, ça ne va pas plus loin que ce que je viens de dire, je pense, au sketch. Mais moi, j'ai vraiment entretien d'embauche. Le mec fait des doigts discretos. Là, il passe un entretien d'embauche, il fait oui, bah, je pense que je suis qualifié. Il fait un doigt, et l'autre fait excusez-moi, vous venez de me faire un doigt? Pas du tout. N'importe quoi. Putain, terrible. Mais ça, tu les as même pas, parce qu'on a quand même fait beaucoup de réunions. Ah non, et tu les as même pas pitché. Ah non, mais moi, je me souviens, j'avais un pitch de sketch. Et au final, l'écrire. On aurait dû le sentir que dès le début c'était trop dur à écrire parce que un peu extrêmement touchy à écrire, mais le pic nous faisait rire, je me souviens. C'était l'examen du bac avec le prof d'histoire négationniste. Je sais pas, tu te souviens de ce sketch ou pas? Non, non. C'était en gros un mec fait son oral du bac sur la Seconde Guerre mondiale et dès qu'il parle des chambres à gaz, juste le prof fait et en gros il fait. Et du coup le mec est emmerdé parce que bah c'est son oral de bac. Ah oui, il dit soit je dis la vérité, bah, soit je vais dans son sens pour avoir une bonne note. Quoi. Exactement. Et le pitch nous faisait marrer, mais dès que tu commences à écrire, je fais bon en fait c'est horrible. C'est touchy. C'est touchy. Non, mais c'est même pas si drôle quoi. Enfin, bah sans doute des gens l'ont vécu dans leur vie maintenant. Oui, non, voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. À l'époque de post-vérité là où on est. Vous l'avez pas vu, mais il a levé son index très très très haut. À côté de ça, attention, parce que je fais genre, je suis un mec. À côté de ça, j'avais les jeux de société adaptés en film, évidemment. Oui, je reste un mec de Golden Moustache. Oui, mais faut expliquer pourquoi. Oui, mais c'était parce que à l'époque, il y avait eu le jeu Bataille Navale adapté au cinéma. Et donc, on voulait faire un movie versus life, un peu, enfin, ce qu'on appelait les sketchs à carton à l'époque. C'était aussi la vie sexuelle des jeux vidéo. C'était genre le titre, une situation, enfin un truc qui rythme un peu comme ça, qui était un peu repris de Smosh hein, en vrai. Et c'était donc plein de ciel. Et c'est très marrant parce que récemment, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu un sketch de Cyprien qui a fait un sketch sur les jeux de société. Ok. Et à un moment, il fait Pic Pirate dans la vraie vie. Et ah oui, on avait eu l'idée aussi. Je dis pas du tout, évidemment non, que non. C'est sûr. Des idées dans l'air. Bien mais ça m'a fait marrer de voir ça. Tu vois, tu te dis, ah putain, c'est trop marrant de. Nous, je me souviens, on avait fait Hippoglouton en mode Les Dents de la Mer, Bourrico en mode Couple Fil Bleu. Et en fait, ça, c'était un running. Il y avait Couple Fil Bleu et il y avait un Bourrico qui mettait un coup de latte. Ouais. Et plus tard, c'était Couple Fil Bleu et c'était Réveille Papa. Ouais. Donc, c'était un daron qui faisait ouais, oh, je dors là. C'était que des trucs comme ça. Très bien pour moi. Usual Suspect avec qui est-ce? Marrant, un petit peu marrant. Bien sûr. Est-ce qu'il a une moustache? M'étonne. Non, mais ce que j'aimais beaucoup, c'était en gros dans le métro. Ouais. Et quelqu'un qui est assis, genre sur un pantin, et il y a quelqu'un en face de lui. Et le mec en face, il dit ouais, non, mais toi, t'es trop con, quoi. Et le gars, il fait. Tu sais, il fait genre. Quoi? Non, c'est pas ça. Ça commençait, c'était. Ils sont face à face, et le gars, il fait ça va? Et l'autre, il fait oui, ça va, et tout. Et le mec, il fait non, je suis au téléphone, genre j'ai une oreillette, tu vois. Et il a bon des AirPods maintenant ouais. Et à l'époque les oreillettes et tout. Il disait non, c'est pas à vous que je parle, je suis au téléphone. Il disait ah pardon et tout. Je disais ouais c'est ça, rassieds-toi va, pauvre con va. Il disait non, j'ai une oreillette et tout. Et ça allait, tu vois, ouais, avec ta petite casquette des Chicago Bulls là, tu te prends pour un américain sale merde et tout. Et le gars il a évidemment, et le gars il fait mais, et à la fois il fait non, j'ai une oreillette. Bon, ça me faisait marrer. Et en fait il y a un sketch de Mister Show qui le concept est vraiment parfait et le sketch est génial, qui s'appelle The Audition, je sais pas si tu vois. Non, ouais. Ah, il est génial. Et en gros, c'est un mec qui arrive, il arrive et il dit je viens pour l'audition, j'ai préparé une scène et tout. Et donc les gars ils font vas-y. Et il fait je peux utiliser la chaise? Et ils font oui, allez-y et tout. Il fait non, c'est, j'ai commencé en fait, c'est le début du truc. Ouais. Il fait bon, je recommence. Je peux utiliser la chaise? Donc les mecs répondent pas. Et il fait non, sérieusement, je demande vraiment, je peux utiliser la chaise? Ils font oui, allez-y. Il fait non, c'est le sketch, putain. Et en gros, et à la fin, il dit mais toi là, avec tes petites lunettes de connard et toi avec ta queue de cheval là, et tout. Et les gars, ils disent non, mais là, c'est nous là, vous parlez de nous. Fait, mais non, c'est le sketch, c'est vraiment très bien écrit. Je suis retombé aussi sur des idées de sketch parce que je sais pas si tu te souviens, on avait bossé un moment avec Vladimir Rodionov sur un sketch show sur le monde du cinéma. Oui, mais bien sûr. Un jeu, enfin, il y en avait. Et après, qui était devenu un fiasco aussi, on peut le dire. Voilà. T'avais esquivé la pire réunion de ma vie. Ouais, tu m'avais dit. Avec une personne. Avec un auteur que ça n'avait pas matché, ouais. J'avais un faux documentaire sur le fait que, en fait, Hitler avait une queue de rat. Tu sais, les. Je me souviens de ça, tu m'en as parlé. Oui. Donc, pour les gens qui ne savent pas, une queue de rat, c'est une espèce de. Comme une toute petite tresse, c'est-à-dire avoir les cheveux courts, mais avoir juste une petite tresse au niveau de la nuque, qui était bon, un truc qui se fait plus du tout à l'époque, ouais. Qui est peut-être un truc de punk à chien maintenant, je sais même pas, ouais. Mais qui était un truc où il y a des gens qui se laissaient en gros pousser les cheveux, mais sur une très petite surface pour avoir une espèce de petite tresse minuscule à l'arrière. Et donc c'était un documentaire qui dit on a découvert de nouveaux documents, Hitler avait une queue de rat. Et du coup en fait on a vu que des photos de Hitler de face pendant toutes ces années, mais là on a trouvé une photo de profil, il avait une queue de rat. Bon, voilà, encore une fois un truc qui ne va pas loin, tu vois. Mais j'imaginais vraiment le truc très premier degré avec des graphiques, mais on a reconstitué quand même en 3D la queue de rat d'Hitler. C'est drôle ça. Voilà. On fait un peu de photos et après on wrap it up. Ça te va ? Allez, ça fait combien de temps qu'on enregistre là ? Là, ça fait 2h30. Bon, tu rigoles ? Non, 1h36. Ah, je crois que j'avais cherché Amour. Ah non, est-ce que je l'avais fait ou pas ? Je crois que Amour, en fait, ça donne que des. Oui, des le trucs. Mot amour. Le texte, oui. Ouais, Amour. Et pourquoi pas le mot Amour ? Alors, je tape le mot Amour. Moi, c'est une photo d'une barre de chocolat qui s'appelle Choc Bar. Et je peux même te dire que c'est chez Prêt à Manger. Exactement, et c'est écrit Préparé avec Amour. Et là, je retrouve un truc de cinéma, un programme de cinéma de l'année 99 avec les films Astérix et Obélix contre César, Mille et une pattes, Souviens-toi l'été dernier 2 et Rush Hour. Et pourquoi j'ai ça ? Parce que j'ai pris des photos, j'ai retrouvé chez moi, ma mère avait un espèce de journal intime de mon enfance où elle écrivait à la première personne, comme si c'était moi qui parlais. Et elle mettait plein de photos. Et elle mettait. Aujourd'hui, j'ai pris mon bain. Exactement. Non. Quelqu'un m'a. Avait poussé ce concept énervant de du faire part de naissance à un journal entier, quoi. C'est ça, mais pour elle. Donc, oui, j'entends. Voilà. Et bien sûr. Mais, je critique beaucoup ta mère. Non, la différence, c'est que je trouve qu'elle est là. Ah, bien sûr. Et bien, évidemment. Monde, évidemment. Voilà. Évidemment. Et donc, du coup, bref, tout ça pour dire que. Et c'est cool parce que. Elle a gardé plein. Ouais, vas-y. La série Bref, très bien, voilà, ouais, super. J'en mets. Mais malheureusement, et c'est contrairement, c'est indépendant de leur volonté, ça a ramené deux choses terribles. Le fait que quand on dit Bref, les gens disent Bref, la série, ta gueule, ouais. C'est un mot qu'on utilise tout le temps. Ouais. Et les parodies de Bref sont revenues terribles. C'est fou, terrible. Mais ça, je l'ai pas vu venir. Putain, j'ai envie de dire Gabriel Attal, mais non, c'est pas lui, mais un politique, un politicien, ouais. Qui a fait une parodie de Bref. Et tu sens vraiment le conseiller qui a dit une parodie de Bref, pas mal, non ? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Surtout que c'est même plus ça. Non, série, c'est ça, c'est des petits moments. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Tu fais vraiment une parodie d'un truc très vieux. T'as trois. Non, mais c'est juste que je. C'est vraiment. J'ai une photo, donc visiblement il y a un magasin. Oui, voilà. J'ai pris une photo de la devanture d'un magasin et à côté il y en a un qui contient le mot amour. Donc voilà. Ouais. Et c'est juste une boutique qui s'appelle The Bar à sourcils. Et vraiment, ça me dégoûte quoi. J'imagine vraiment quelqu'un qui te sert un verre rempli de sourcils quoi. J'essaie de très. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah si, il y a écrit amour sur son body. J'ai cette sublime photo de Johan. Comment la décrire ? Elle a un body, elle est toute petite, hein, là, quel âge ? Octobre 2020, ouais, donc elle a même pas un an. Elle a une espèce de cagoule nounours et elle hurle de oui. toute son âme. Ouais, elle pleure, quoi. Elle pleure, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc que j'adore qui est pendant les matchs de foot. Les mecs qui se déguisent, qu'on lui mette des perruques aux couleurs de... Oui, oui, oui. Et qui se déguisent pour soutenir son équipe. Ils mettent, tu vois, une perruque aux couleurs de son équipe et tout. Et après, quand ils perdent, c'est genre, mais maintenant, tu es juste triste et déguisé. Oui, c'est ridicule. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était bien. Ça, c'est très, très bien. Là, j'ai une photo d'un mec où, qui a un t-shirt. Mon pays, c'est l'amour. Connard, va. Oh, oui, t'as raison de lui dire. Ah, putain, ça, c'est drôle. Je vais me permettre. En vas-y, gros, j'avais prie. Fait... J'avais fait une parodie de d'un faux. En fait, j'avais écrit les titres d'un faux album d'un chanteur un peu lover de merde ouais. qui s'appelait Lorenzo Washington. dont l'album s'appelait L'été pleure en ton nom. Ok. Et je vais te faire la setlist des titres que j'avais. Je suis au paradis. J'avais écrit. Il y avait Impression de déjà vivre. Ça pourrait être des titres d'Herbert Léonard, R.I.P. Oui, oui, bien sûr. Je vous invite d'ailleurs. À aller sur votre plateforme ou voilà de streaming préférée. Mmh. Idéalement quelqu'un qui ne finance pas la campagne d'investiture ouais. de Trump par ouais, exemple. Par exemple au hasard. Et de lire les titres des chansons d'Herbert Léonard, c'est vraiment très drôle. Il y en a une par exemple qui s'appelle Et toi sexuellement parlant. C'est le titre de la chanson. Ah oh, c'est dingue. Ouais. Ça peut être le titre de l'épisode. Ouais. Alors Impression de déjà vivre, Instant guitare. Caresse, aime et oublie. Lundi sourire, mardi fou rire, jeudi désir. L'été pleure en ton nom, donc. Avenir d'hier, qui m'en voudra d'aimer. La place de ton absence. Celle-là, je l'adore, la neuf. La fille du mambo. L'insolence de ceux qui pleurent. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Si tu m'écris, d'accord. Je t'aime pour la dernière fois. Briser l'automne. Mais moi, je t'aime. Mourir d'amour et vivre. Celle qui m'a rendu elle. L'amour sans mode. L'amour sans mode d'emploi. Putain, et moi alors. Et ah oui, El color de tu sonrisa, qui veut dire la couleur de ton sourire en espagnol, parce que j'imaginais qu'il faisait quand même oui. une chanson en espagnol ouais. Et il y avait femme au singulier, virgule, femme au pluriel. Oh. Voilà, c'est l'album L'été pleut en ton nom de Lorenzo Washington. Ah, il est bien, hein. Sur toutes vos plateformes. Ça, c'est terrible, c'est une photo pour une association. Et en gros, je vais évidemment pas donner trop d'infos, mais ça met grâce à vos dons, 11 enfants sauvés depuis 2008. Ce qui est pas dingue. Pas beaucoup. Tu penses que... Pas beaucoup. Ce qui est pas... Très peu. Ça... Et en plus. Faut voir en quelle année t'as pris la photo parce que... Ah bah 2024. Ah oui non, c'est très très peu oui. Attends non, non, non. C'est même pas un par an quoi. Et alors bilan cette année, aucun enfant sauvé. C'est dur c'est... Faut voir à quel point enfin faut voir est-ce que c'est, non, c'est faute pas une de énorme... don. C'est pas une énorme. Non mais est-ce que c'est par faute de don ou... Ah je sais pas. J'ai une idée, on cherche la date d'aujourd'hui. Mais enfin oh. d'aujourd'hui mais genre cherche 21 mars. Vas-y. Parce que d'ailleurs petite astuce, si vous voulez faire de la place sur votre téléphone, tous les jours, vous cherchez la date du jour, vous supprimez toutes les photos dont vous avez rien à foutre. Ok. C'est une méthode, tu vois, pour... Parce que tu te dis, mais par où commencer pour effacer les photos ? Oh putain, bah mec, tu vas jamais me croire. Bah, il y a moi. Non, mais il y a Adam Sandler. Bon, incroyable. Donc, ouais, c'était il y a 3 ans. Putain de merde. Il y a 3 ans. Mec, tu vas pas me croire. Un dessin de tub fait sur mon téléphone. Bah voilà, on n'a pas la même vie. Ah, mais attends, par contre, mais mec, juste, excuse-moi, mais 21 mars. Mais non. Ben... Ah, ben oui. Adrien Méniel a joué dans Nous les Leroy. C'est le jour où on a fait la scène. Regarde, j'ai cette photo de nous deux. Incroyable. Ben c'est fou quand même. Bah franchement. J'ai bien fait. Putain, mais très bonne idée, Adrien. Une photo de mon chien, c'est ouf. Ah, moi j'ai un. Ah, attends. J'ai un autre truc, 21 mars. Je mets avec la vidéo. T'es sur le tournage de Nous les Leroy. Enfin, j'étais dans mon hôtel. Voilà. Il y a une époque où je m'étais dit, je me fais une petite compile pour moi, hein, de moi qui me filme en train de me filmer dans un miroir et en train de lâcher une caisse. Bon, j'en ai quelques-unes. Pas énorme, hein, mais. Mais non, mais en plus, j'en ai une là, j'en ai une à l'Olympia. Donc c'est un peu à des moments cool de ma vie. Mais j'ai décidé de marquer le coup de cette manière. Franchement, attends, je regarde si je la retrouve, celle de l'Olympia. Ah non, merde. Ah, c'est bien. Ah, je savais pas que tu faisais. J'ai arrêté assez vite, hein, mais. Ah, c'est drôle. Ah, bah tiens. C'est incroyable. L'Olympia, putain. Tu vois que t'aimes l'épée. Non, mais là. Tu non. vois que t'aimes l'épée. Il dit, ouais, moi, les blagues de Prout, ça me fait pas rire. Non, mais la mise en scène. Tu pleures, mon pote. T'es en larmes. C'est voilà. Moi, je débunkerais. Comme les gens qui disent, j'aime pas les jeux de mots. Oui, oui. Votre petite posture là, ne tiendra pas longtemps. Vous aimez ça. Y a, dans le monde de l'humour, il y a le setup. Et là, il y a quand même un très bon setup. Non, non, le premier, il n'y a rien. Ah, si. Le premier si, où tu te filmes dans le miroir, mais mec. Tu l'avais non, pas vu, t'as juste si, entendu. Vu. Mais non, non mais la si, première vidéo, je l'ai mis sans c'est le fait l'image. De... On regarde sur notre téléphone, ah, moi j'ai un truc. Tu te lâches une caisse. Okay. C'est pas non plus. Ouais, il y a un. D'accord. Okay. Mais. Il y a une surprise. Mais si t'aimais vraiment pas les blagues de. Parce que c'est une blague de paix au final. Oui, oui. Donc, voilà. Non, j'ai déjà dit, dans les films et tout, j'aime bien. C'est dans la vraie vie que j'aime pas. Là, quand quelqu'un la vraie lâche. Vie. On est là, on est où là? Oui, mais c'est derrière un écran. Ouais, non, si non, là, tu, non. tu pètes devant moi, je ris pas. Non, mais c'est vrai. C'est dans les films, je suis. Si moi... je t'avais dit, oh mec, putain, j'ai une super note et je pète, t'aurais ri. Ouais, j'aurais ri. Eh bah, bien sûr. Ah, faut être honnête, j'aurais ri. Voilà, bon. Adrien, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on se fait des petites recommandations culturelles quand même? Alors moi j'ai vraiment un truc de... Ah ouais, moi j'ai une série qui s'appelle Sévrance. C'est trop bizarre, non, cette série? J'ai vu, non, ça je... me fait rire. Non, alors, on coupera peut-être, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que donc sur Instagram, il y a les petites notes en haut. Oui. Et tu postes rarement. C'est vrai, t'es quasiment plus sur Instagram. Oui, parce que ça n'a aucun intérêt, ce truc. Voilà, tu vois, je vais poster Sévrance. J'ai mis, je me fais chier devant Sévrance. Entre parenthèses, saison 2, épisode 8. Ça m'a fait rire que toi qui prends si peu la parole sur Insta, il y a eu un truc de... je me fais chier là. Je tenais votre petit j'étais truc que tout le monde vraiment... dit. Oh, c'est génial, c'est bizarre. Oh là là, le monde de l'entreprise. Sachez que je me fais chier. Non, mais c'est bien, mais je me fais aussi énormément chier devant cette série, quoi. Et ben moi, j'ai vu un truc où je me suis pas fait chier du tout, Adrien. Ah oh, la putain, la transition. Je zappais. Et en plus, j'ai aimé parce que j'ai eu un plaisir d'enfant. Enfin, pas d'enfant, mais de quand j'étais plus petit. J'ai zappé, je suis tombé dessus. Et ça, c'est quand même un peu kiffant. C'est comme quand t'es en voiture. Moi, j'aime bien quand tu écoutes la radio. Tu scrolls hein, à la manière de ouais, Kaito. Tu changes des chansons, enfin, tu cherches une radio qui capte et hop, tu tombes sur la... Et là, hop, c'est une chanson que t'adores. Bah, ça a pas la même saveur que quand tu la mets sur Spotify. C'est tu comme vois. Les films à la télé, quand t'es dans un hôtel et tu zappes et tu fais oh, putain, ce film. Et bah, vas-y, je me le mate. Et bah, j'ai eu ça chez moi. Et ça me fout une nostalgie terrible, accessoirement. Ça je me dis, à l'époque, on avait moins de choix et on était plus heureux. Hélas. Donc là, je zappe à la téloche. Et je tombe sur quoi ? Batman versus Tortue Ninja, le dessin animé. Alors, pardon déjà ? Imagine-moi. Mais tu savais pas que ça existait ? En fait, je savais que ça existait en BD, je l'ai même là, derrière toi, le comics. Okay. Mais je ne savais pas... M'appelle pas comme ça, déjà. Le comics. Ça, c'est une chanson de Hervé Washington. Lorenzo Washington. Je zappe et je tombe voilà, sur ça, Batman versus les Tortue Ninja. Donc c'est comme son nom l'indique. Alors ils sont pas vraiment versus hein. C'est-à-dire qu'ils ont un peu des au début. Mais bien sûr, ils c'est un buddy movie. Au début, ils s'aiment pas voilà, ils s'aiment pas trop Batman et Mickey. Eh, c'est moi qui rends la justice dans cette ville. Eh ben non, c'est nous, on mange des pizzas et après ils s'allient et là c'est je veux pas spoiler. Mais à c'est un moment pas... c'est une série ou c'est non, un c'est un film, c'est un 85 minutes, c'est très bien, c'est sur je tombe dessus sur Warner TV Next, je sais pas quoi. Une obscure chaîne du câble que j'avais. Donc vraiment, tu sais, je zappe et on commence à être à la chaîne 122, tu vois. Donc vraiment, c'est une cata. Et là, Batman versus les Tortues Ninja. Et donc, en gros, l'histoire, hein, parce que je vais quand même vous pitcher ce film, c'est Shredder s'allie avec Ra's al Ghul. Donc, deux énormes ninjas. Oulala, ah bah oui, deux pointures du mal. Et là, ils se disent pourquoi. Enfin, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Parce que Ra's al Ghul veut utiliser le mutagène X enfin j'ai plus le nom du mutagène le mutagène des Tortues Ninja ouais. qui a été utilisé pour créer Bebop et Rocksteady par exemple bien sûr et il veut l'utiliser sur tous les méchants d'Arkham aïe aïe aïe ce qui veut dire qu'on a les méchants de Batman en animaux méchants Mister Freeze en ours polaire pour ne le citer que lui ah pour mais donc il le fait. Il le fait. Ouh. Un petit spoil hein, que je vous donne, mais qui peut aussi vous donner un petit peu envie. Donc voilà. Et le non, pingouin devient un pingouin. Alors c'est la grande erreur du film, c'est-à-dire qu'il y a le pingouin au début, mais il ne se transforme pas. Et il n'y a pas Catwoman. C'est-à-dire que c'est con, vous aviez deux qui étaient littéralement des animaux. Oui. Et en même temps, j'ai un peu aimé. Je me suis dit, oh, vous n'êtes pas allé à la facilité. Pas... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est. Attends, il y a le Joker ou pas ? Il y a le Joker. Qui devient un énorme clown. Non, bah non, c'est monstrueux. Des animaux. Non, c'est des, des animaux. Bah, le mutagène, c'est ça. C'est, tu te transformes en animaux. Oui, c'est vrai. J'ai malheureusement un très bon quiz que j'aurais envie de deviner. De dans quel animal ? Bah, vas-y, vas-y, attends. Un singe ? Non, pas un singe. Ça aurait été mieux. C'est pas ouf ce qu'ils ont fait, je trouve. Ah, ok. Pour... On va faire juste le Joker parce que. Ouais, ouais. Le Joker. Un animal terrestre ? Terrestre, ouais. Un serpent ? Très bonne réponse. Un serpent. C'était un ma première. Alors que moi, j'aurais. Enfin, moi, j'aurais deuxième après ça. En hyène, tu vois. Le Joker qui rigole. Oui, mais. Oui, mais. Le Joker. Bah, tu vas pas me dire. Est-ce qu'il y avait vraiment cette image du Joker qui rigole avant le truc de Joaquin Phoenix ? Ah oui. Oui, quand oui même. Mais pas pareil. Il riait pas pareil. Il riait. Si peux... Le Joker de. Jack Nicholson. Ouais, c'était plus un. Ah oui, non, mais bien sûr. Plus un rire de méchant. Oui. Je sais que j'ai déjà. Non, pour moi c'était donné... Montand, mais oui, oui. Dans Belmondo. Tac, tac, badabo, mais je suis le Joker. Je suis le Joker. Ah, ça pourrait faire un. Là, on a trop d'idées là. Mais, un casting, on fait un Batman avec que des acteurs français. Et je crois qu'on l'a fait à l'époque de Golden Moustache. Quand on faisait les articles, je sais pas si tu te souviens. Oui, mais... À l'époque, on écrivait des articles. Bon, on le refait. Et, non, mais bien sûr. Et c'était, on prenait des trucs de pop culture et on cherchait les castings français ou américains. On avait fait aussi, je me souviens avec Valentin Vincent, on avait fait Kaamelott en anglais. Tu vois, qui pour jouer quoi. Et, oui, oui. Et voilà. Et donc. On a, je crois qu'on a mis Robert Downey Jr. en Arthur. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Owen Wilson en Perceval. Moi, j'adore ce mais bien sûr, bien sûr. Mais peut-être plus un truc à faire sur Twitch que oui. Qu'à faire en oui, parce en podcast. Que c'est cool avec le chat. Le chat peut poser des bonnes idées et tout. Ouais. À noter, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et alors. Et pourquoi pas. Et qui va me stopper. Qui est l'exemple. Non, mais voilà, donc Batman contre les Tortues Ninja, j'ai trouvé ça super cool. C'est très marrant. En plus, moi, je suis pas le plus grand fan des films Batman. Ils en font beaucoup, hors dessin animé, je parle. Bien sûr. Ils en ont fait vraiment des tonnes et des tonnes. Et j'aime pas tout, mais là vraiment j'ai trouvé que c'était bonne ambiance. C'est le juste milieu, parce que c'est vraiment les Tortues Ninja qui sont les Tortues Ninja et Batman qui est Batman. Et en même temps, des fois, Batman il est un petit peu sympa parce que c'est des ados, donc il a le même truc qu'avec Robin. Il fait ouais, c'est un peu des gamins, mais je fais ce que je peux avec ces gamins, tu vois. Et à un moment, je les prends sous mon aile de chauve-souris. Exactement, et c'est un mini spoil, mais peut-être que Batman à un moment dit It's pizza time. Peut-être même dit-il Kawabunga. Donc c'est voilà. Vrai. Wow. Alors voilà. Donc voilà, ça s'appelle Batman versus les Tortues Ninja. C'est très fun. Je suis en train de vous dire que c'est un Daniel Day-Lewis non plus. Cela dit, tu vois, je me dis, en termes d'opposé, on pouvait pas rêver mieux parce que c'est donc un mec extrêmement sinistre d'un côté, les Tortues Ninja d'un autre, un milliardaire, des gens qui vivent littéralement dans les égouts de l'autre. Ouais, bien sûr. On est sur une belle opposition. Et donc, oui, ça me, je le regarderai sans doute pas, mais ça me fait envie, tu vois. Ah putain, d'ailleurs, j'ai eu une révélation récemment. Je me suis dit, je pense que moi souvent, tu vois, tu dis ah j'ai vu ce film et tout, et à chaque fois je me dis oh putain ça fait grave envie et tout, et je pense que la réciproque n'a jamais été vraie. Chaque fois que je pitch des jeux, des trucs, et t'es genre, de la merde pour moi. Non, c'est pas de la merde. Non, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Je ne joue pas du tout aux jeux vidéo déjà. Non, mais si, un peu, mais, moi, mes jeux de geek ou ces gens, allô, tu peux. De la merde pour toi. Je le sais, et j'ai eu cette révélation, genre, je pense que je t'ai jamais fait envie. À part peut-être la Terre sur de Sommière, à la limite. Là, oui. Ah non, mais par contre, à une époque, tu proposais plus de stand-up aussi. Ah ouais. T'as un peu fait ma. Pas fait ma culture, mais tu m'as donné des blases. Je pense qu'un Patton Oswalt, je ne les connaissais pas sans toi. Tu sais, il y a eu des blases comme ça qui sont venues. Patton Oswalt, ça fait longtemps que j'ai. Il avait fait un très beau spécial après la mort de sa femme. Ah, stylé. Je l'ai vu sur scène. Très beau. Ouais. Il y a le dernier Bill Burr sur Disney Plus aussi, qui est très cool. Et il est sur Disney Plus ? Mais oui, parce que c'est Hulu. Non, mais Disney a fait zéro promo. Enfin, je comprends. C'est sur Hulu. Et donc, très peu Disney. Bah, cela dit, si, totalement. Pourquoi ? Parce que Bill Burr, parce que Disney Star Wars, Bill Burr, Mandalorian. Hein, évidemment. Incroyable d'ailleurs. Mais là, son spécial n'est pas sur Netflix, mais sur Hulu, et donc du coup, tu peux le voir sur Disney+. Ah bah trop bien. Et en plus, j'étais trop content parce que je pensais que c'était celui que j'avais vu moi sur scène. Et il y a deux vannes, et sinon tout le reste est trop bien. Et complètement inédit. Enfin, moi, j'avais jamais vu. D'ailleurs. Alors trigger warning, c'est ça y va, voilà. Oui, mais c'est fait, je trouve, assez intelligemment parce que c'est Bill Burr c'est ces Bill dernières Burr. Années. On n'est pas toujours d'accord avec lui. Et il essaie de se comprendre pourquoi il pense comme ça. Il a des trucs, intéressants. Et surtout, il est marrant quand même. Ah, quand même très marrant. Et Marocco. Qui est un truc dont on m'a appris l'existence vraiment au fil d'une discussion et j'en avais jamais entendu parler et du coup je me dis c'est bien dommage. Bon, tu connais Society, je vois qu'il y a un SoFilm devant moi. Bien sûr, très bon dernier numéro de SoFilm sur Philip Seymour Hoffman d'ailleurs. Voilà. Énorme dossier, je t'en ai pas parce que je sais que tu es très fan de. Et c'est très très rempli. Il y a aussi tout un truc sur des Robin des Bois, donc voilà. Je vais, on je m'achète pas souvent des magazines, mais je vais peut-être, n'hésite pas, peut-être l'acheter, remarque en digital, ça le dit. Voilà. Donc voilà, ils avaient fait une interview de nous. C'était Society, c'est ça. C'était Society, ouais. Et elle était super. Et du coup, ils avaient été adorables. L'interview était très bien. Et l'article était trop cool. Et les photos aussi. Ils nous donnaient pas de surnoms grotesques. Enfin, c'est vraiment super. Et Society, du coup, a, je crois récemment, lancé sa plateforme Society Plus, okay. Plateforme de documentaires. Ok, super. Et donc, en gros, je crois que ça coûte entre 4 et 5 euros par mois. Ok. Et en fait, c'est uniquement des documentaires. Et j'ai l'impression des trucs que tu trouves pas ailleurs, quoi. Okay, enfin, ouais. Y a pas mal d'exclus, peut-être même que des exclus, je sais pas. Okay. Et donc, c'est une plateforme de documentaires. Et du coup, je me suis pris un petit abonnement. J'en ai pas regardé beaucoup pour l'instant. Alors. Je vois qu'il y a la Air Jordan. Mais oui, ouais, j'ai mis beaucoup de documentaires dans mes favoris. Et ouais. J'ai hâte de me les regarder. Bah, tiens, attends. Peut-être pour donner envie, je vais. Dire la liste que j'ai dans mes favoris. Alors, ce qui m'a décidé à prendre l'abonnement, c'est qu'il y a un documentaire qui s'appelle Searching for Nika. Okay. Et le pitch, c'est en gros un. C'est sur le fornica ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. C'est beaucoup plus triste. Okay. C'est en gros un documentariste ukrainien. Ok. Dont les parents ont fui leur ville en voiture quand elle a commencé à être attaquée. Okay. Ils ont fui en voiture avec leur chien. Et en fait, le chien, apeuré par les bombardements, s'est enfui de la voiture et ils ont perdu leur chien. Okay. Et en gros, le pitch de départ, mais je vais y revenir là-dessus, c'est le mec dit bah, « Maintenant que la ville a été libérée, je retourne là-bas et j'essaie de retrouver mon chien. Ouais. » Donc moi, je me suis dit « Bon, c'est vraiment pour moi, quoi. Ouais, » enfin, ouais. Et j'ai été un peu déçu, et pourtant le documentaire est bien. Et donc je veux juste prévenir les gens qui voudraient le regarder. Ouais. C'est un bon documentaire, juste la prémisse de il cherche son chien est un peu un prétexte à d'autres trucs qui sont vraiment très cool. Ouais, ouais. En vrai, c'est des en gros des portraits de gens qui s'occupent des animaux pendant la guerre en Ukraine, quoi. Okay, genre ouais. Des gens qui qui vont parce qu'en gros il y a des lieux qui ont été abandonnés, genre des parcs zoologiques et tout, les animaux ont été laissés sur place, quoi. Ouais. Donc il y a des gens qui un peu souvent même au péril de leur vie vont récupérer les animaux, essayer de leur faire passer la frontière pour qu'ils se récupèrent et tout. Donc c'est trop bien. Juste ce truc du chien en vrai est quasiment pas traité, voire même mal traité. Enfin c'est ouais. Ne regardez pas le documentaire en vous disant oh je vais regarder un documentaire sur un mec qui cherche son chien. Ouais. Parce que c'est pas ça, okay. Mais le documentaire est cool quand même. Donc trop moi bien. Je pense que j'aurais voulu le voir avec quelqu'un qui me dit avec ça. Avec un autre titre. Ouais, ouais. Juste les gens qui s'occupent des animaux en Ukraine et tout. Ouais. Et ça fait voir l'horreur de la. On sait que la guerre c'est horrible, ouais. Mais ça fait voir l'horreur et l'absurdité de la guerre par un biais qui est particulier, qui est comment les animaux ont été impactés. Ouais. Tu vois qu'il y a un gars qui venait d'ouvrir son rêve c'était d'avoir une écurie avec ouais. des chevaux, même pas pour les vendre parce que juste il dit bah moi je kiffe les chevaux et tout. Ouais. Tu vois bon son écurie a été bombardée ouais. et tu dis mais quoi ouais, ouais, ils ont bombardé sûr. Des écuries, enfin ça te ouais. montre vraiment à quel point c'est horrible parce que s'ils ont bombardé des écuries, tu t'imagines bien tous les trucs qu'ils ont bombardé. Ouais, ouais, en fait ça c'est une façon, c'est un biais, c'est un angle très particulier pour parler de la guerre aussi, quoi. Ouais, donc ouais. Très intéressant. Okay. Moi j'ai Air Jordan, je l'ai mis dans mes favoris. Ouais. Le théorème du gros con, c'est qui est un bon titre aussi. Vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, il semble y avoir de plus en plus de gros cons dans le monde. Inspiré par le best-seller du New York Times du même nom, ce documentaire canadien mène l'enquête des clubs de fraternité de l'Ivy League aux princes effrontés de la Silicon Valley, en passant par les fosses à ours de la finance internationale, pour comprendre les motivations profondes des trous du cul. Bah, j'ai envie de le voir. Metal Niqab. Gisèle a 42 ans, deux enfants, et c'est une star montante de la scène metal au Brésil. Mais au pays du bikini, elle se produit sur scène en niqab. Ok. Intéressant. Il y a Val aussi, le documentaire sur Val Kilmer. Je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, je l'ai pas vu. Bah, c'est cool qu'il soit quelque part. Il est dessus. Ah ouais, ouais. Il a l'air vraiment très bien. Ouais. Hail Satan. Dans les années 2010, un groupe d'Américains crée le Temple Satanique, une organisation religieuse qui, comme son nom l'indique, est dédiée au diable et va successivement construire son église à Salem, distribuer de la documentation sataniste dans les écoles et demander l'autorisation d'installer une statue de Baphomet devant plusieurs bâtiments officiels aux États-Unis. Mais ce qui passait au départ pour un canular provocateur gratuit s'avère être en fait l'œuvre de militants pour la justice sociale et la séparation de l'Église et de l'État, bien décidés à prendre les lois américaines à leur propre jeu. Enfin, ça fait très envie. Bravo. Donc, je suis très content. En plus, moi, je suis. Alors, je dis pas ça juste parce que la bonne auberge est en train de faire ce même chemin. Ouais. Mais moi, je trouve que j'ai l'impression qu'on est dans une ère où plus que jamais, faut encourager les trucs indés, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je suis très content que Studio 17 crée sa plateforme indépendante, essaie de s'émanciper un peu de globalement des gens qui nous pourrissent la vie, hein, les milliardaires, les trucs comme ça. Moi, je suis très content qu'on soit resté indé. On est diffusé encore dans des trucs pas ouf, hein, on le sait. Hein, bien sûr. Mais on essaie de faire au mieux, quoi. Mais voilà, et donc du coup, si vous pouvez, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes du coup et ça devient compliqué forcément de tout payer, mais moi je trouve ça, c'est des initiatives à vraiment encourager. Les gens qui disent eh, venez on passe en indé, je trouve ça trop bien. Là en plus ça a l'air d'être vraiment un truc de qualité, donc trop cool. Et je me permets juste parce qu'on a parlé d'église satanique, ouais. Je le rappelle qu'il existe un livre qui s'appelle La Bible satanique, qui n'a rien de satanique, qui est un truc complètement athée et tout, ouais. Et je rappelle un des préceptes de l'église satanique qui vraiment j'adore au plus profond de mon âme, qui est: lorsque vous marchez en territoire ouvert, ne dérangez personne. Si quelqu'un vous dérange, demandez-lui de s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, détruisez-le. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et je me permets, est-ce que je peux te lire rapidement les 11 préceptes de la Bible satanique pour donner envie de rejoindre les plateformes indées et Satan. C'était deux rocos en fait. Les 11 règles terrestres de la Bible satanique. Vas-y. Ne donnez pas votre opinion à moins qu'on vous la demande. Ok. Très bien. Pas mal. Ne racontez pas vos ennuis aux autres à moins d'être sûr qu'ils veuillent les entendre. Oui, et j'ajouterais, ça inclut vos rêves. Ne racontez pas vos rêves non plus. Vos rêves que vous avez faits, pas vos aspirations, vos désirs. Oui, oui. Le rêve que vous avez fait en dormant. Cette nuit, ouais. Inintéressant, à moins que la personne vraiment soit intéressée. Celui-là, j'adore. Ah non, c'est celui d'après, pardon. Là, c'est: lorsque vous êtes dans le territoire d'autrui, montrez-lui du respect ou ne vous y rendez pas. Simple et funky en fait. Oui. Non, très respectueux. Pour moi, c'est du savoir-vivre. Non, mais c'est. Oui. Mais plus que jamais, je pense que la Bible satanique peut faire un comeback. Et si j'y participe, je serais ravi. Si un invité dans votre antre vous ennuie, traitez-le cruellement et sans pitié. Ouais, là, on a monté un petit peu tard. Je suis toujours d'accord. Vous ennuie, vous importune, hein, je pense que c'est ça. Ne faites pas d'avance sexuelle à moins de recevoir un signal d'accouplement. Mais en quoi c'est satanique ? Mais ça n'est pas. C'est ça le truc, c'est que la Bible satanique, c'est en gros, en fait, c'est un livre athée où Satan est une figure de. Comment dire, de défi de l'autorité, en gros. Okay, okay. Mais ça n'est pas un truc satanique, c'est truc, c'est, comme tu vois, c'est vraiment des trucs. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, reconnaissez. Mais ça, c'est dans la Bible, hein. C'est peut-être le point commun. Hein. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès, c'est là qu'ils me perdent un peu. Ah oui, là. Bah après attention, tu peux être enfin tu vois, c'est ça qui est, enfin il y a des gens qui sont par exemple musulmans ou juifs et qui ne suivent pas tous les tu vois, mes parents sont catholiques, ils ne mangent pas de poisson le vendredi, tu vois. Bien tu sûr. As le droit de choisir un peu ce bien qui te plaît aussi, évidemment. Ne vous plaignez pas de choses qui ne vous affectent pas. Oui. Si ça ne vous affecte pas, fermez-la. Ah, ça, je devrais plus, moi. Non, non, mais parce que moi, pour moi, je l'applique à, tu vois, genre les gens qui se plaignent du mariage des personnes du même sexe. Ah oui, ça non, mais évidemment. Ça ne t'affecte pas. Oui. ferme-la. Oui, mais moi ça m'arrive d'être saoulé par des trucs qui normalement ne m'affectent pas aussi. Non mais je vois après des trucs beaucoup plus Non mais ce que je veux dire c'est que ça, tu peux te plaindre. En vrai, je pense qu'ils veulent le dire plutôt dans le sens de ce que je viens de dire parce que tu peux te t'es plaindre. En train vraiment de dire je pense qu'ils veulent dire comme ce qui me plaît parce qu'en fait j'adore la Bible satanique. C'est au regard du reste des préceptes. Oui. Et je pense que tu peux te plaindre d'un truc qui ne t'affecte pas, oui, mais qui affecte par exemple des gens qui sont moins fortunés que toi. Oui, oui, et tu peux te plaindre genre bah c'est abusé qu'ils subissent ça. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'ils le disent. Je pense pas parce que tu c'est fais quand la même... propre interprétation de la Bible satanique. Bien tu sûr. Es en train de te... En fait, tu es en train de créer le Nouveau Testament de la Bible satanique. Et attention, peut-être un projet qui pourrait me plaire. Neuf, ne faites pas de mal aux enfants. Oui. Encore du bon sens, mais. Ouais. Mais bien le rappeler. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas marqué mettez une claque à votre enfant? Donc tu vois, j'en sais rien, il peut y avoir. Ouais. Je ne sais pas, hein. Ouais. Je ne dis pas que ça y est. En tout cas, dans la Bible satanique, je dis pas c'est que ça clair y est et précis. Ouais. Et bon, après, la 11, je l'ai dit, mais la 10, du coup, c'est. Ne tuez pas d'animaux non humains, sauf pour vous nourrir ou en cas de légitime défense. Ah ouais. Bah ouais, mais pardon, ouais, mais je suis sataniste. Je suis sataniste. Vous allez faire quoi? De toute façon, là, je suis en train de me rendre compte que vraiment, je vais mal finir. C'est-à-dire que je pense. Tu vois le Yuna Bomber, tu vois qui c'est ou pas? Oui, très bien. Ben, c'est mon avenir. C'est-à-dire que je vais vivre dans une cabane dans la forêt à fabriquer des bombes artisanales. C'est ça qui m'attend. Et c'est ça. Tu sais que le gars, il était fan de, il faisait des études genre d'ingénieur à la base. Oui, bah, oui. Et après, il a dit, je hais la tech. Donc, et attention, genre, malheureusement. Et d'ailleurs, il a été, c'est son frère. Ça, c'est une histoire que j'adore. Je fais, bon, on s'en fout, hein, de toute façon, oh, je raconte un peu n'importe quoi. Cool. En fait, Yuna Bomber. Donc, c'était, alors, évidemment, je plaisante, je ne vais tuer personne. Je suis sataniste par contre. Mais. Plus que jamais sataniste. Mais. C'est le titre, hein, ça va loin. Plus que jamais sataniste. Oui. Et non, et en gros, c'était un terroriste qui. L'histoire est assez fascinante, mais en gros, il a fait des études d'ingénieur. Et il s'avère qu'il a été. Bon, c'est peut-être pas ça la raison, mais il a été traumatisé parce qu'il y a. Une université a fait une expérience sociale sur des. Étudiants qui étaient très allez je raconte le truc c'est terrible oui, bien sûr. En gros il y a une université qui a fait une expérience sur ces une expérience sociale pour enfin psychologique même sur des étudiants. En gros ils ont pris des étudiants genre en leur disant oui on fait une expérience enfin sur les rêves et les aspirations des jeunes et tout est-ce que ça vous dit de participer? Et lui c'était il faisait partie de ce truc et en gros sauf que en fait c'était un peu un traquenard parce que la vraie expérience c'était ensuite il disait vous inquiétez pas ça reste vous nous le donnez mais ça reste anonyme ouais, personne ne oui. le saura par nous et après l'expérience c'était alors j'ai plus exactement les détails mais il lisait devant tout le monde les rêves des gens en se foutant de leur gueule. Oh là là. Et c'était en gros si mes souvenirs sont bons une expérience sur comment tu vis l'humiliation etc quoi ouais. Et genre lui il a été trauma bah oui. par ça et il est devenu un des plus grands terroristes de l'histoire des États-Unis. Bon et en gros donc du coup c'est un mec qui est le Joker, à la base ouais, c'est devenu le ouais, c'est ça, le Joker hein, ouais. Et bon évidemment t'es pas parce que t'es humilié que tu dois devenir un terroriste mais oui. Lui il s'avère que à la base il dédiait ça un peu sa vie à la technologie et tout parce qu'il faisait des études d'ingénieur et il a fait un rejet total de tout ça et aussi un rejet total de l'enseignement universitaire. Donc c'est là où ça peut rejoindre le truc. Ouais. Et en gros, le mec vivait dans une cabane dans la forêt, littéralement, et il fabriquait des bombes artisanales qu'il envoyait par la poste à des ouais, gens qu'il estimait sais. Être ouais. un danger, genre ouais. les gens de la tech, ouais. les gens des profs d'université et tout. Et donc c'était bon, malheureusement le schtroumpf farceur, mais en plus... plus dark puisque c'était ils ouvraient le colis et ça explosait à leur visage sauf que là où tu as simplement malheureusement une blackface dans les schtroumpfs là tu mourrais dans le schtroumpf il y a littéralement le schtroumpf fou et violent et méchant qui est le schtroumpf noir de toute façon c'est vrai c'est vrai c'est encore et, oui. Et aussi la schtroumpfette est une création de Gargamel oui. pour semer la zizanie dans un monde où il n'y a que des hommes il a dit comment je pourrais faire une femme bien sûr. Ouais, c'est une autre époque. Et donc, du coup, Yuna Bomber. Et en fait, okay. c'est là où je voulais en venir. C'est que ils n'ont jamais réussi à retrouver ce gars. Ouais. Ils ont galéré. Et à un moment. Et Guillaume Play. Là, t'es arrivé. Ah, c'est hyper intéressant ce que ah, tu fais. Génial. Ah, ça, c'est génial. Tu as tué des gens. Ah, génial. Wow, okay. Super. Non, mais c'est vrai, moi je me demande. Parce que c'est vrai, on se pose la question. T'es là, t'as envie de tuer des gens, tu le fais. Ah, c'est génial. Et donc, il n'y arrivait pas. Et à un moment, il y a eu un débat. Parce que lui, il avait écrit un manifeste de Yonah Bomber. Qu'il avait envoyé, je crois, à des journaux. Ou même peut-être au FBI, je sais plus quoi. Lubris, hein, Lubris des grands terroristes. Lubris de Nice, ouais. Lubris de Nice, absolument. Et en gros, il y avait un peu un débat, genre, est-ce que on publierait pas son manifeste pour voir si ça évoque quelque chose à quelqu'un, parce que putain, on a rien, on a aucune piste. Et il y a des gens qui disaient non, ce serait jouer le jeu de, ce serait propager son idéologie et tout. Finalement, je crois qu'il y a un journal, je crois que c'est le Washington Post, mais je suis pas sûr, qui a dit on le publie. Okay. Ils ont publié le manifeste du Yonah Bomber. Et il y a un gars qui l'a lu et qui a fait ça ressemble beaucoup à ce que mon frère m'a dit la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. Il a appelé, genre, je crois, les flics ou le FBI. Il a dit alors, je dis pas que c'est lui, hein, mais mon frère qui vit dans une cabane dans la forêt m'a dit quand même plus ou moins ça la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. Et c'était effectivement lui. Wow. Et je trouve que c'est une histoire folle. T'imagines ce qui se passe dans ta tête pour te dire est-ce que je prends le risque de dénoncer mon frère, parce que si c'est pas lui, il va m'en vouloir. Juste, parce que bon, je sais que c'est Noël, mais donc t'as cru que j'étais un terroriste en fait, que j'étais le mec qui tue des gens, t'as cru que c'était potentiellement moi en fait. Alors moi j'étais juste. Noël, bon, tu fais toujours la gueule. Moi j'ai juste dit que j'étais sataniste dans un podcast et c'était quand même un peu une blague. Tu m'as dénoncé en fait. Bah t'avoues que bon. Et donc le mec a dû être. Dans une certaine mesure, soulagé que ce soit vraiment son frère. Ah ouais, ouais. Ah, oui, c'est vraiment lui le tueur. Ah, la vache. Donc voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Bah non, mais écoute. Parce qu'on est parti sur sataniste, oui, voilà. C'est ça. Et que c'est mon avenir, malheureusement. Je rigole, bien sûr. Et évidemment, je ne tuerai que des gens qui le méritent. Oh là, oh là, oh là. Non, je plaisante, je vais pas le faire. C'est une blague. Bon, écoutez, en tout cas, merci et beaucoup. Eh ben, tu sais quoi, j'avais des doutes, pas si mal cet épisode. En plus, toi, avec le petit montage que tu vas faire, il va y avoir un rythme, il va y avoir un truc, ça va être pas mal. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode bien plus classique, bien plus normal, avec des invités. On va rire, on va faire des jeux. Voilà. Peut-être à un moment, je ferai du karaté. Tout est possible. Oh, ça, pas. C'est mon truc, par contre. Ah oui, c'est vrai, je te l'ai piqué. Bon, bisous, Adrien. Bisous, ciao, salut tout le monde. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.